présent, t'es pas sûre de lui. Donc qu'est-ce que ça va être dans quelques mois? Oui, non, c'est sûr. Après, est-ce que, enfin, je me suis posé aussi la question si je suis juste pas sûre de moi, moi-même, en fait, parce que, par exemple, j'ose même pas en parler vraiment à mes copines, à qui je pourrais aussi demander conseil, mais là, je me sens assez timide sur le sujet, donc c'est assez perturbant. Bah, ne le fais pas alors. Réfléchis bien, ouais, clairement. Ce jeu n'en vaut peut-être pas la chandelle. À bientôt, Clara. On te fait des gros bisous en tout Merci cas. Merci beaucoup. Profite bien de ton été. Et on va dans un instant accueillir Alix. Il a 14 ans, il est de Toulouse. Il a une petite question à nous poser. T'es là, Alix? Ouais, je suis là. Qu'est-ce que tu veux savoir, toi? Mais je veux savoir si les femmes fontaines peuvent survivre à une sécheresse en buvant leur mouille. Ah, voici Jonas Blue sur Fun Radio. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. When we hit the bottom, nothing gonna stop us. Climb to the top with you. We could be the greatest ones who never made it. Yeah, I could be talking to you. They tryna hate, hate, hate, but we won't change, change anything at all. They don't know, no, no, is we don't care. We're gonna keepin' on going till we can't go no more. We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. Yeah. When we hit the bottom, nothing gon' stop us. Climb to the top with you. We could be the greatest ones who never made it. Yeah, I could be talking to you. They tryna hate. Jonas Blue et Rise sur Fun Radio. Jusqu'à 22h. Love it fun. Du sexe, de l'amour et du fun sur Fun Radio. Et pour finir cette émission, la question d'Alix, 14 ans de Toulouse. Alix? Ouais, c'est Doc, c'est le carré. Salut Alix. Salut Alix, c'est quoi ta question, toi? Alors la question, c'est est-ce que les femmes fontaines peuvent survivre à une sécheresse en buvant leur mouille? Ah, tout à fait. Alors, non mais ça c'est en cas de, enfin je sais pas, de cataclysme, on ne sait pas. Comme dans ça... 127 heures par exemple. Ah, ouais, il buvait son pipi. C'est vrai. Non mais si on a soif, on n'a pas d'eau, on peut boire son pipi, Doc. Oui, c'est pas ce qu'il y a forcément de plus déshydratant, mais on peut le faire. Et c'est vrai que l'éjaculat féminin, hein, qui concerne quand même 75% des femmes, hein, alors elles sont pas toutes femmes fontaines, c'est parce qu'il y a une grande quantité, mais en fait, 3 femmes sur 4 sécrètent effectivement ce drôle de liquide qui n'a pas d'odeur, qui est transparent, qui a un petit goût un peu salé, hein, Carrel y a goûté, il me l'a dit. Tout à fait. Un beurre salé. Ah, oui. Très breton, très breton. C'est mon côté breton. Et finalement, assez proche de l'urine. Alors, il y a à la fois des glandes qui sécrètent et qui sont tout près du méa urinaire, mais il y aurait aussi un peu d'urine. Donc, c'est un composé qui intrigue beaucoup. Mais autrefois, dans le passé, parce que vous savez que j'aime l'histoire, on pensait vraiment que les femmes sécrétaient l'équivalent d'un sperme. Et que... Mais ce n'était pas un sperme. Mais ce n'était pas un sperme. C'était de la mouille. C'est cadeau, on vous donc, partage ça. Pour répondre avec à ta question, oui, les femmes déshydratées peuvent survivre si elles boivent. Leur mouille. Mais seulement pendant un certain temps, parce qu'une fois que tu es déshydraté, ton corps aussi est déshydraté. Oui, c'est comme au bout d'un moment, tu n'urines plus, tu ne peux plus boire ton urine. Voilà. J'imagine. Oui, parce que tout part en sueur. Et ben voilà, Alix, hein. Bah, j'ai ma réponse. Et ben voilà. Ta gourde. Et ben bientôt, Alix. Ouais. Ciao, Alix. Et c'est Aymeric, notre auditeur du soir, qui va terminer l'émission. Mon poteau, Aymeric. Yes. À toi de jouer, Aymeric. Bah, écoutez, bah, merci. C'était cool. Question bizarre à la fin, mais c'était plutôt sympa. Ouais, tout est possible ici. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre, Aymeric? Bah, écoute, vous dire de passer de bonnes vacances. À vous en tout cas, que pressé de vous retrouver en C'est pas fini, on est là encore la semaine prochaine et tout, demain aussi. Je pense pas que la semaine prochaine je vais pouvoir vous le dire. Oui, c'est vrai. Avec plaisir, tu reviens quand tu veux, tu sais, Aymeric. Bah, y a pas de souci, moi je suis toujours présent. Ah bah, avec grand plaisir, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Aymeric. Mais merci à vous de m'avoir appelé. Et on va remercier aussi notre doc depuis quelques jours, Stéphane. Merci beaucoup, franchement. Merci à vous. On s'est régalé avec toi, sincèrement. Vraiment, super moment. Et je te rappelle que tu me dois un repas. Reviens vite. Pas de problème. C'est pour la Tour Eiffel. Tu reviens très très vite. Ah ouais, tu vas me payer un truc à la Tour Eiffel. Premier jury. Moi, je vais payer un truc au self d'M6. Moi, je vais avoir le droit à une petite Tour Eiffel. Super. Ah, c'est comme ça avec moi. C'est 10 fois plus. Ah bah, c'est génial. Et tiens, je vais t'offrir un petit cadeau. Je pense que j'aurai une petite voiture. Et ça fait plaisir. Merci encore, Stéphane. Vraiment. Je vous écouterai demain à la plage. Eh bah, avec grand plaisir. Bonnes vacances. Ah ouais, bonnes vacances. Éclate-toi bien. Merci. Profite bien. Merci à tout le monde, en tout cas, pour cette soirée. Marion Enso, c'est le Night Show. Bonsoir, les filles. Bonsoir. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Bon, bonsoir. Une grosse émission bien préparée. Hein. Oh là là, préparation mais tellement intense. Attends, excuse-moi, je sens de l'ironie dans ta voix là. Qu'est-ce que c'est que ce petit ton là ? Écoute, quand je vois l'état de votre équipe avec un réalisateur qui est allongé sur la moquette, avec. Et alors, on fait comme on peut, hein, tu sais, on fait avec ce qu'on a sur vous. Eh bien, voilà. Eh bien, cette émission a été préparée depuis 13h cet après-midi. Oui. C'est le résultat, le fruit d'un travail de toute une équipe qui vous attend. Acharné. Jusqu'à minuit. Voici Marion, voici Anso, voici le Night Show. Wow. Si tu veux rire ce soir, je te propose d'écouter une émission de dingue basée sur l'amitié. Cette chanson ne sent pas délire. Mais ce soir, je vous le promets, je vous le jure, je crache. L'émission sera mieux. C'est Marion et Anso. Sont ce soir sur Fun Radio. Marion et Anso. Dès 22h dans le Night Show. Marion et Anso. Je trouve plus de rime en haut. Marion et Anso. Et Anso. The Night Show. The Night Show. Sur Fun Radio. 22h03, Marion et Anso, le Night Show. Bonsoir et bienvenue, nous sommes en direct jusqu'à minuit. Aujourd'hui 4 juillet, c'est la fête de l'indépendance américaine. Oh. Et nous n'en parlerons pas car nous ne sommes pas américains, mais nous embrassons tous les Américains qui nous écoutent en ce moment même, surtout du côté de l'Utah. Ah oui. Voilà, je vais saluer Marion qui est un petit peu américaine. Ah oui, tout à fait, le Wisconsin. Oui, Wisconsin. Exactement. Et on a tous un petit peu, je suis sûre que si on monte l'arbre généalogique, on se trouve tout le temps un ancêtre américain. Bah vas-y, fais-toi plaisir, okay. amuse-toi Babou. Je vais me lancer dans la généalogie, je sens que je vais avoir une baraque. Hein. Toi, tu vas passer un super BT en tout cas. Vraiment, moi j'ai hâte de voir ça. Tu m'inviteras pas à tes soirées généalogie, c'est tout ce que je te demande. Bon, on espère que vous allez tous bien. C'est vrai qu'aujourd'hui c'était une journée sans foot, sans match, ça fait du bien, une petite pause. Ouais, et alors... Pas d'émotion. Hein. Ouais, on était un peu déçus quand même. Hein. Oui, bon, bah, ça manque un peu comme tout le monde, mais c'est pas grave, ça va revenir en force vendredi avec la France, on sera là. Et puis bah, les résultats arrivent bientôt, là j'ai l'impression, hein. ça court au niveau bac, c'est la semaine prochaine je crois. Y a pas les rattrapages qui commencent là déjà? Si, y a genre les euros de français, des trucs comme ça, non? Ouais, oh là là là là, bon courage si vous êtes dedans, on est avec vous les chats, et puis faut écouter le night show, ça donne de la force. Et on félicite tous les auditeurs qui nous envoient des messages pour nous dire, bah moi j'ai déjà eu mon BEP, j'ai déjà eu mon CAP, j'ai déjà eu tout ce qui finit en P. Oh les crâneurs! Et bien félicitations à vous tous, bande de P. Pour vous récompenser, on a un énorme dos ce soir les amis. Et pas que ce soir, hein, parce que ça va durer sur plusieurs jours. Eh oui. On va vous envoyer passer votre journée à Disneyland Paris. Ce sera le 14 juillet prochain. Pourquoi faire ? Eh bien pour assister à l'avant-première européenne du film Ant-Man et la Guêpe. Le film sort le 18 juillet avec Fun Radio. Du coup, pour l'occasion, bim, Disney, les attractions, l'avant-première avec toute l'équipe du film, donc rencontre avec les acteurs et tout. Enfin, et alors, de loin, je pense. Hein, vous n'allez pas non plus aller leur faire des hugs et compagnie. Enfin, peut-être que si. Ah, si. On ne sait pas s'il y a le feeling, mais alors, surtout, moi je vous donne l'info que personne n'a eu en exclusivité. Il y aura un cocktail dînatoire. Oh là là ! Bah si, donc il y a moyen de faire des hugs. Tu vois la petite saucisse enroulée dans de la pâte feuilletée. Bah, il y aura ça. C'est un magnifique cadeau et ça va se jouer maintenant. Maintenant, vous appelez le standard au 01 42 48 5000. Si vous êtes sélectionné, c'est très simple. On va vous décrire un super-héros Marvel. Tout le monde les connaît, c'est facile. Et vous allez devoir deviner eh bien, ce super-héros. Franchement, c'est easy. Tout le monde dans l'équipe a passé le test tout à l'heure. Donc, vous pouvez le faire. 01 42 48 5000. Vous appelez maintenant. Lost Frequencies avec James Blunt. C'est ce qu'on va écouter dans Night Show ce soir. Très calé d'ailleurs James Blunt en super-héros Marvel. Super-héros d'ailleurs en tout genre. D'ailleurs James Blunt est un super-héros. Je croyais que sa voix vient d'où. C'est un super-héros. Eh oui. Et puis on va également écouter le son que j'adore, Clean Bandit. Ah, effectivement, depuis la première fois qu'on l'a écouté, nous on entend Sodo parce qu'on a peut-être on est peut-être des gens avec des idées mal placées comme non. ça. Non, elle dit Sodo, mais enfin elle a le droit. Hein. Et Sodo, Sodo. Avec nous pour faire cette émission et comme chaque soir, Thibaut Alaréa, bonsoir. Et bonsoir. Tu sais que tu commences à inquiéter vraiment tout le monde ici à Fun Radio. Hein. Tout le monde te voit soit nu, soit par terre dans les studios, soit en train de chanter des chansons complètement déplacées à la guitare. Il faut que tu te calmes, l'été arrive, mais calmos. Alors, je vais me calmer et ma façon à moi de me calmer, c'est de faire encore pire. D'accord. Très bien. Eh bien, n'hésite pas. Bonsoir Flo. Bonsoir. Il va bien, il est en forme. Oui, tout va bien, nickel. Petite coupe un peu de coiffée aujourd'hui, c'est pas terrible, il va falloir penser à faire quelque chose. Il va falloir faire quelque chose pour les poils, oui. Oui, Thibaut. À chaque fois, avant l'émission, il est au téléphone avec quelqu'un et moi j'aimerais bien savoir avec qui il passe son temps au téléphone. Avec sa meuf? On ne sait pas. Bah, c'est la personne mystère. Donne-nous un indice. Je ne sais pas, c'est peut-être le président d'un grand groupe de télévision français. Genre, le mec qui a une double vie, tu sais. Oli est au standard 01 42 48 5000. Ça va, Oli? Oui, ça va super. Et vous? On va commencer, merci, ça va très bien, l'émission avec un sujet qui me concerne. Puisque c'est vrai, il y a quelques temps, j'ai été malade. Oui. Et donc, j'ai dû passer par une phase compliquée, la phase suppositoire. Ah ouais, ouais. Ah. Et moi, je trouve ça bien, Babou, parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que le suppos est tabou et toi, tu le remets à la mode et je trouve ça sympa, quoi. Du coup, bon, bah, non seulement j'ai mis des suppos, mais surtout, j'ai fait une recherche Google un petit peu particulière puisque j'ai tapé de quel côté insérer un suppositoire, puisqu'on m'avait mis le doute. Certains disaient c'est du côté fusée, d'autres disaient c'est du côté carré. Donc, j'ai fait cette recherche. Et d'ailleurs, j'ai la réponse, hein. Ouais. C'est du côté carré, pour une meilleure propagation. Oui. Voilà. Oui, Thibaut. Alors, c'est cool parce que moi, ça me rassure déjà que ce soit du côté carré ou du fusée. Mais surtout, tu m'apprends que ça se met dans les fesses et pas dans la bouche. Donc, bah oui, oui, évidemment. Faut faire attention quand même. Il a pas tort, hein, si on sait pas. Ah, quand même. C'est écrit, voire rectal. Vous savez lire une notice, non? Bon, bref. Du coup. Rectal. Oui, bon, bah bref, il y a des dictionnaires. C'est parce que ça veut dire notice. Bah oui. D'accord. En tout cas, on se dit, bah, venez vous aussi partager vos dernières recherches Google, puisque la mienne, elle était quand même salée. Alors, tout le monde s'est foutu de ma gueule. Donc, allez-y, mais il faut pas tricher. Faut vraiment aller sur l'ordi ou sur votre smartphone, n'importe. Vous tapez vraiment la dernière recherche Google. Flo. Bah, ce qui nous a plus choqué, c'est surtout quand t'as commencé à les essayer dans le bureau. C'est vrai que là, on s'est dit bon. Oui, alors c'est vrai que j'aime bien faire des démonstrations. C'est comme le téléachat. Moi, je suis comme ça. Je démontre. Après, vous prenez, vous prenez pas. Marion, elle tutote. Hein, elle fait des tutos à tout bout de champ pour tout et n'importe quoi. Voilà, bah ça a beaucoup intéressé Thibaut. Ah ouais, voilà. En tout cas, venez nous partager avec nous la recherche Google que vous avez fait la plus originale, la plus insolite. Par exemple, je ne sais pas moi, comment coucher avec un pamplemousse. Ou un pommelot. Ou alors, dans quoi poussent les yaourts? Ah ouais, pas mal, ça peut totalement marcher. 01 42 48 5000, hashtag le Night Show, et pour le son, Cécilia Krull. C'est vraiment une chic fille. Hein. Ah oui, elle est sympa. C'est une chic fille, ma cesse. Oui. Offrir vos places pour Disney, pour l'avant-première d'Ant-Man et la Guêpe. Nous parlons des dernières recherches Google. Donc allez-y, lâchez-vous, que ce soit sur Twitter, hashtag le Night Show ou au standard 01 42 48 5000. Anso, tu nous as pas dit la tienne. Moi, la dernière recherche, c'est comment rendre le poil de son chat frais. Enfin, comment rafraîchir son chat, quoi. Le congélo. Ah oui. Non, mais c'est vrai que c'est important quand il commence à faire très chaud de s'occuper de ses animaux, ouais. Parce que bon ben le fait est qu'elle est pas du tout autonome, hein, cette pauvre chatte, puisque oui. c'est une femelle que je possède, Wacha, que j'embrasse, et donc j'arrive pas à la refroidir. Oui, bon, ça s'autorégule aussi, les chats, l'eau. Oui, Flo. Mais ça veut rien dire, rendre le poil de son chat frais. Bah oui. Mais si tu connais frais. Pas, t'as pas de chat, c'est pour t'as ça. T'as pas de chat. Si, j'en ai un. Non, t'as pas non, de chat. Non, déjà, c'est fou. Léontine. Ah, parce que je vous dis, j'ai Léontine. Non, mais elle est chez ma mère. Ah oui, voilà, là. Donc elle vit pas avec toi. Oui, mais on a vécu ensemble. Ce qui entoure le poil, ce qui entoure le chat, c'est son poil. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de rafraîchir. Plutôt que de rafraîchir l'incisé, par exemple, pour lui mettre des glaçons à l'intérieur, ça a pas, non. Un coup de flotte. Et si vous avez une solution pour Anso, allez-y, hashtag le Night Show. Mais Julien nous a appelé. Effectivement, j'ai trouvé, je lui ai mis un peu d'eau sur le cou. C'était compliqué. Enfin, je me suis débrouillée, quoi. Ah ouais. Bonsoir, Julien, à Paris. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Alors, Juju, 20 piges, t'as l'air en forme. Ouais, je suis en forme, comme d'hab. Raconte-nous, mon bichon, quelle est ta dernière recherche Google? Fais-nous rêver. Bah, c'est pas très glorieux justement parce que j'étais Ma copine reçoit pas mal de snaps, tout ça. J'ai l'impression que c'est le garçon. Elle m'a jamais montré. J'ai toujours voulu savoir. Oui. Et ce matin, bah, j'ai décidé de me lancer. J'ai tapé comment pirater un compte Snapchat. Eh ben, bravo, Julien. J'ai pas trouvé comment faire, malheureusement. Par contre, j'ai décidé de me lancer à demain. Je l'ai pris son téléphone. Ah, quand même. Mais à un moment, le doute était trop fort et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de garçons qui envoyaient des snaps. Ah oui, elle a le droit de communiquer avec des hommes, hein, cette personne. C'est pas des photos sexy. Oui, bien sûr, mais tout habillé, c'est mieux. Julien, c'est pas ça, c'est horrible, là tu rentres dans un espèce de truc pas très sain. Il faut que tu aies confiance en ta chérie. A priori, elle envoie des photos à poil, donc. Confiance à ses limites. Bon, bah du coup. Il y a un moment, voilà. Oui, mais mon chat. D'accord, mais bon, de toute façon, tu le sentais, donc faut mettre fin à cette relation si elle te convient pas et si t'as pas confiance, c'est une chose. Et c'est trop compliqué de pirater un compte Snap. Hein. Si c'était facile, ça se saurait. Je pense pas qu'il y ait un tuto sur Google, donc voilà. Non, j'ai pas trouvé, mais ouais, du coup, je l'ai quitté et c'est horrible. Julien, finalement, la morale de l'histoire, c'est que t'es pas très bon espion, mais que t'as quand même un sacré sixième sens. Hein. Tu l'avais vu venir, Julien. Ouais, sixième sens. Il y avait des gros panneaux quand même. Hein. Je vais te dire, t'es le mec déprimé le plus joyeux que je connaisse. C'est ça. Il nous dit 7 jours, mort de rire, lui. Non. C'est. Oui. Allô. Oui, on t'écoute. C'est que j'ai eu mon année juste après, en fait. Ah, bah félicitations. J'ai eu mon année juste après à ma fac. Donc ça m'a quand même bien remonté le moral. Et je me dis que c'est pas si grave, parce qu'elle faisait n'importe quoi. Enfin, elle me respectait pas. Bah ouais, t'as raison. Tant pis, c'est pas grave. C'est un philosophe, ce Juju. Et Juju, franchement, on va lui offrir un pack fan radio. Ouais, et surtout parce que je trouve que c'est le sosie vocal de Black M. Ah bon, Ouais, je trouve qu'il a la même voix que Black M. Aucun rapport. Hein. Et si, vous n'avez pas de sens. On te fait de gros bisous, mon Julien, merci beaucoup d'avoir appelé. On va s'écouter la Clean Bandit dans quelques instants. Et surtout, on attend toutes vos dernières recherches Google. Allez-y, vendez-nous du rêve. 01 42 48 5000. Tweetez l'émission. Hashtag Le Night Show. Et suivez le compte Marion et Anso. 1-2-1-2, c'est le Big Black M avec le poteau Bruno sur Fun Radio. La radio des plus gros festivals. This is Fun Radio. Électroland. Stéréopar. Electric Park. L'Amnésia au Cap d'Agde. Lollapalooza. Fun Radio est là. Où sont tous les DJ? À partir du 12 juillet, Fun Radio sera en direct de l'Electro Beach. Pour 3 jours de fête et de mix non-stop. Avec DJ Snake, Diplo, Martin Garrix, Armin Van Buren et plein d'autres. Vous voulez encore ou quoi? La radio de votre été, c'est Fun Radio. Fun Radio, je t'aime. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Salut Adrien, dis-moi, t'es chaud pour tes mix et tes sets de l'été? Mais carrément Miko, j'ai les platines, la playlist, y a plus qu'à choisir ton Sam. Sam? Oui, Sam, celui que tu désignes avant de sortir, celui qui conduit et qui ne boit pas. Bien sûr, Sam, le super pote qui a le super pouvoir de te ramener en toute sécurité. Voilà, le super pote, comme moi quoi. Cool, Sam, ce soir c'est toi. Exactement. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Fun Radio présente Electric Park Festival. Retrouvez les plus grands DJ électro, techno et trance aux portes de Paris. Avec Sven Zvan, Feder, Ugel, Joachim Garraud, Michael Canitro, Fakir, Hazard et bien d'autres. Electric Park Festival. Le samedi 8 septembre sur l'île des impressionnistes à Chatou. C'est avec Fun Radio, le son de l'espoir. Plus d'infos sur electricpark.com et funradio.fr. Vous connaissez Marion? Non. Yes. Vous connaissez Anso? Non. Yes. The Night Show! De 22h à minuit sur Fun Radio. Et il va se passer plein de choses ce soir dans l'émission. On a énormément de cadeaux pour vous, des places pour Disney, une enceinte JBL Charge 3. On a aussi une box Beauty Face à vous offrir en fin d'émission. Enfin bref, restez bien là, 01 42 48 5000. Mais là, on parle de la dernière recherche Google qu'on a pu faire. Effectivement, c'est une inspiration que j'ai envie d'appeler inspiration Babou, inspiration Marion, oui. Qui l'autre jour, souffrante, a décidé de savoir de quel côté nous insérions le suppositoire dans les fesses. si c'était du côté un petit peu fusé ou du côté carré. Et le fait est que c'est le côté carré et le côté qui fait mal. Hein. Oui, c'est plutôt conseillé, effectivement. Alors, vous pouvez nous joindre soit bien via la page Facebook, via Twitter ou à l'antenne. Et si vous ne pouvez pas passer, vous pouvez aussi nous lâcher une note audio qu'on va s'écouter maintenant. Comment s'appelle l'auditeur, Thibaut ? Tony ! Toto. Voilà. Alors Toto, je crois qu'il a recherché quelque chose d'assez honteux. Là, il faudrait que j'envoie du couleur. Ah oui. Bonsoir les filles. Donc ma dernière recherche Google, c'est réviser un jour avant l'oral de français. C'était pour voir s'il existait des méthodes pour réviser juste avant, parce que du coup, je passe demain. Donc voilà. Bonne soirée. Ah oui, bah alors là, Bichon, je ne pense pas qu'il y ait non plus de tuto miracle là-dessus. Mais c'est mignon, on a tous fait ça, à mon avis. Hein. Réviser d'urgence, réviser un jour avant. Ouais, alors après, on peut te le dire clairement que ça sent pas bon. Hein, ouais, du coup, si t'es pas prêt pour ton oral de demain, c'est chaud, mon pote. Hein. Ah ouais, mais là, du coup, c'est un rattrapage demain. Bah, je pense. Hein, ah oui, c'est fini. En tout cas, c'est conclusion que j'apporte, Flo. Je crois que si tu tapes ça, tu tombes directement sur le site de Pôle emploi. Ça va direct. Non, mais courage à toi, voilà. Et perds pas de temps à rechercher des astuces, juste bosse. Hein. S'il faut y passer la nuit, tu passes la nuit, tant pis. Exactement, mais est-ce que les oraux c'est pas un peu plus facile, non ? Est-ce que c'est pas... Ah, ça dépend sur quoi tu tombes, hein. C'est toi et ta chance. Ouais, tu peux bluffer. C'est beau. Moi j'avais eu un coup, mais vraiment de chance de ouf, c'est que j'avais pas mes livres pour les oraux. Du coup, je suis allé chercher mes livres le matin, genre une demi-heure avant l'épreuve chez une pote à moi. Donc on prend un livre au hasard. Et du coup, je suis tombé sur ce livre-là et j'ai eu 17 à l'oral de français. Papa. Ah, oh. Après, je me suis retrouvé avec 7,86 au final au bac. Donc. Bah oui, puisque tu l'as pas eu finalement. J'ai pas eu. Corentin nous a appelé. Oui, Corentin est à Limoni. C'est marrant, on dirait un soda, je trouve. Oui, une un soda, soda, ouais. Yo, vous reprendrez bien un petit Limoni. Attention, pas trop, c'est quand même très sucré. Bonsoir, Corentin. Salut tout le monde. Alors, Corentin, sois le bienvenu, on t'écoute pour ta recherche. Bah moi, en fait, c'était tout à l'heure. J'ai cherché les contacts d'Apple pour avoir des iPhone 10 gratuits. Ah oui. Du coup, tu cherches encore là, Corentin. Bah oui. Mon chat, mais tu te doutes bien que ça, c'est pareil. Ça se trouve pas sur Google. C'est bien tenté, mais un iPhone gratuit, non ? Ouais. Ah oui. Essayer quand même. C'est bien. Il faut tenter. Oui. Bon, et t'as recherché autre chose depuis ou rien ? Non. D'accord. Et t'as quoi comme... Des chiens. Un chien ? Bah, dis-nous. Des chiens. D'accord, donc t'as tapé chien ? Oui. Gratuit. T'as peut-être tapé une race, un truc, non ? En particulier ? Si, bah je crois que c'est des dogs... Bah attends, je vais te dire. Ah oui, voilà. Dis-nous, parce que... C'est important. Faut qu'on sache. Ah oui, attends. Bah, c'est sûr que si c'est un labrador, c'est pas le même type de recherche dog que si... Dog de Bordeaux. Ah oui. Dog de Bordeaux. Ah oui. Voilà, bon, bah écoute... Alors, je crois que ça n'existe pas, hein. On sait que... C'est vraiment très beau. Mais je te charrie, mon queue. En tout cas, Kyo, il a besoin d'un iPhone X et d'un dog de Bordeaux. Voilà, on en sait un peu plus sur toi maintenant. Oui. Et c'est quand ton anniversaire, Corentin ? Le 3 octobre. Ah, bon, il faut juste remettre un peu de patience et puis mettre les recherches Google sous le nez de papa et maman. Comme ça, ça leur donnera peut-être une piste. Oui, hein ? Je pense pas, parce que... Eh oui. Tu sais, la vie est difficile pour tout le monde, Corentin. Hein. Bon, Corentin, peut-être qu'un jour dans le Night Show, on offrira de nouveau des iPhones. On te tient au courant si c'est le cas. Ah bah merci. Bisous, Kéké. Bisous. Salut, Corentin. Au revoir. Vous êtes hyper nombreux à réagir sur les réseaux. Il y a Lilou qui nous dit hard lesbian sex. Bah. Ça, c'est sa dernière recherche. Ah ouais. Il y a Makiti qui nous dit qui est le numéro 17 du PSV Eindhoven. Ouais. Bon, grand bien ton face, joueur de foot. Choisir une coupe de cheveux en fonction de la forme de son visage, nous dit Laure. Ah, moi je vais rechercher choisir une robe ou un pantalon en fonction de sa morphologie. Ouais. Ah ouais, t'as pas trouvé donc. Non. Ouais, le bâtard. Lucie nous dit comment faire l'amour en cochon pendu. C'est sa dernière recherche, mignon. Avec elle m'appelle, mais... moi je vais lui montrer. Bah, a priori, je pense que c'est pas très pratique. Hein. Bah, oui, je pense aussi. Il y a Elliot qui nous a appelé, il est à Paris. Bonsoir, Elliot. Est-ce qu'on est content d'être là ? On est content d'être là ! C'est bien une chose que je sais faire, c'est bien. Alors, Elliot, 15 piges, on t'écoute mon chat. Alors moi, ma dernière recherche, c'est j'ai cherché comment faire si on n'a pas son brevet. Ah, ah, bah disons, sur les études là, vous êtes pas très optimistes tous. Hein. Et comment faire ? Alors c'était quoi ta réponse ? Bah, j'ai trouvé que, enfin, comment faire, est-ce que c'était grave ou pas, ouais. Et apparemment, bah, c'est pas si grave que ça. Et il y a le bac pour se rattraper après, donc ouais. Ça va. Oui, enfin, c'est vrai que c'est quand même la première étape, c'est bien de l'avoir. Hein. Tu sais, finalement, Elliot, le brevet des collèges, c'est un peu comme un péage. Si tu rates un péage, si tu passes le péage par exemple sans payer, tu risques de te faire courser comme ça par la gendarmerie. Oui. Bon, là, c'est la gendarmerie de l'étude qui risque de te courser comme ça. Il va falloir l'avoir le bac du coup. Hein. C'est vrai que je suis pas sûre que tu puisses passer en seconde, sauf cas exceptionnel si t'as pas le brevet, si. Si, tu peux, ouais. Ah bon, oui. Ouais. Bah, ça sert à quoi alors? On nous donne des affectations le dernier jour de l'épreuve du brevet. Ah d'accord. Alors, j'avais lu un truc sur le brevet. Ils expliquent d'ailleurs que c'est pour commencer à t'habituer au stress d'examen, à la démarche un peu solennelle du truc. Bon. Voilà. Et puis c'est bien de faire un point. Comme une préparation au bac, je pense, il arrive comme ça. Oui. Bon bah Elliot, du coup t'es rassuré maintenant. T'as compris que c'était pas si grave que ça, mais faut bosser là. Hein. Bah ouais, falloir que je m'y mette un peu. Bah oui. De toute façon, c'est passé là. T'attends les résultats. Ouais, le 11. Oui, mais bon même s'il continue sans le brevet, faut qu'il bosse pour la suite, quoi. Ouais. Elliot, on croit en toi. Hein. On sent que t'as une voix d'un type bûcheur. N'oublie pas le péage, Elliot. Ouais. Et tu nous tiens au courant, d'accord? Ok. Allez, bisous. Bisous, mon chat. Salut, bisous. Antoine de Reims a appelé, 17 ans, et dit ma dernière recherche Google est le calendrier du Night Show, car je ne savais pas quand vous finissiez. Ah. Bah, c'est le 11. Oui. Je suis pas sûre que ce soit sur Google. Hein. Non, moi non plus. On n'a pas fait de communiqué. Moi j'ai cru qu'ils cherchaient un calendrier comme le calendrier des pompiers, tu sais. Bah, comme le calendrier des chatons, quoi. Bah non, bien sûr que non. Bon, j'ai le top des recherches Google, est-ce que ça vous intéresse? Ah oui. Ah, tu veux dire sous forme de jeu? On peut jouer. Hein, je peux vous faire le début de la recherche, vous essayez de deviner la suite. Ah, ben voilà. J'aime faire l'amour à ma mère. Non. Ma sœur. C'est introuvable. J'aime faire l'amour à du fromage de chèvre. Ah. Top recherche Google. Mais remarque, c'est hyper crémeux comme fromage. Ah. Ah non, mais la texture doit être pas mal. Hein. Ouais. Aidez-moi à coucher avec. Ça fait partie des recherches Google. Non, toujours pas. Arrête de vouloir mettre la famille partout, toi. Mon prof. Non. C'est un truc de ouf. Bah. Ah non, c'est pas un zoophile. Hein. Non, mais non. Avec ma voiture. Jamais mis ça. Non. Ah ouais. Aidez-moi à coucher avec 100 000 hommes. Bah. Ah oui, bah, excusez-moi. C'est pas possible, tu mens là, tu mens, tu m'étonnes. Et vas-y, fais tes recherches, je te dis que c'est dans les recherches Google les plus ouf, ça existe. Pourquoi mon frère ressemble à un moche? Un monstre? Ouais. Non. À moi? À une chaussette? Non. Pourquoi mon frère ressemble à une tartiflette? Ah, mais bah, je vous promets que c'est dans le top des recherches. Attends, Google. On va voir. Vas-y, vérifie, j'ai aucun intérêt à vous mentir et puis j'ai autre chose à faire que d'inventer tout ça, quoi. Acheter. Du caca? Non. Acheter. Une virginité? Ah, ouais, ah, t'es pas loin. Ah, un hymen. Non, oui, Flo. Ça a marché, le truc du frère, il y a vraiment marqué ressemble à une tartiflette. Voilà, quand tu tapes, quand tu commences à taper, il y a ça. Non, c'est acheter une toison pubienne. Ah, oh. Ouais, hyper chelou. Alors là, je comprends pas. Manger du. Caca. Non. Du sopalin. Non, c'est plus simple que ça. Attends, manger du. Bah oui, mais si tu le fais en même temps. Attends, manger du sang. Non. Manger du requin sur Metz. Enfin, sur Metz. Hey, attends, moi je tape manger du sang, manger du riz, manger du chocolat, manger du caca. Ah bah voilà. Et manger du poisson. Et bah moi j'avais mangé du requin sur Metz. Alors, ah si, ça marche. Ah, tu l'as toi aussi? Ouais. Nickel. Quel est le salaire de Zlatan Ibrahimovic? Non. Mbappé? Non. Emmanuel Macron? Non. Barack Obama? Non. Quel est le salaire d'un ninja? Ah, ça intéresse les gens, moi. Photo des. Des seins de ma mère. Non, mais t'es pas loin. Effectivement, c'est une partie du corps. Des fesses de Kim Kardashian. Non. Nabila. Non. Photo des cuisses de Nicki Minaj. Non. Plus barasse. Grenouille. Non, photo des cuisses de mamie. Oh, mais quelle idée. Bah, c'est pas ma faute, c'est les recherches. Il y a des photos. Alors, celle-ci, elle est horrible, mais je vous assure qu'elle est extrêmement recherchée. C'est E.T. l'extraterrestre plus. Et là, il y a un mot qui vient derrière. E.T. l'extraterrestre. Mais attends, il y a un mot, c'est une star? Non. C'est une partie. C'est une action. Suite. Non. La suite. E.T. l'extraterrestre plus vélo? Non. Et Oli du Sandard. J'allais pas dire ça. Plus sucé? Non. Plus. Plus fellation, pardon. Non, parce qu'Amélie, en fait, elle s'est lancée pour une réponse, mais j'ai fait le geste. Ça l'a choqué encore. Et tu voulais dire quoi, Oli, de base? Je voulais dire téléphone, vu qu'il y a un téléphone maison. Non, non, le vrai truc, c'est E.T. l'extraterrestre plus fellation plus vidéo. Non, mais les gens sont tordus. C'est des gens qui font des recherches à 4h du mat. Ils ont 8 bouteilles dans chaque bras. Ils sont complètement bourrés. Ils font des recherches. C'est sûr, Flo. Mais il y a un vrai film porno avec E.T. Non, mais on veut pas savoir, Flo. C'est quand même rigolo. C'est ouf. S'il y a E.T. qui fait des choses. Oui, mais c'est pas le vrai E.T. Mais non, mais c'est quand même bizarre d'avoir E.T. comme fantasme. Valentin nous appelait du côté de Paris. On l'aura tout à l'heure, dans un instant d'ailleurs, Valentin. Bah et oui, c'est pourquoi que... Bah oui. Bah parce que. Parce qu'il voulait pas réagir du tout à ça. Non, on va jouer avec Valentin. Thibaut, alors, à ta recherche Google, la dernière. Et bah, c'était cet après-midi à 17h28 exactement. J'ai tapé comment, dans combien de temps mettons pour faire Le Havre-New York en bateau. Et alors, et ça m'intéresse vachement. Et bah, alors ça met 8 jours. Et en fait, parce que j'ai commencé à regarder des billets d'avion pour partir à New York, c'est beaucoup trop cher. Alors je me suis dit, peut-être que si j'arrive à voler un bateau ou à acheter un bateau, enfin voilà, et que je vais à New York, ça me prendrait 8 jours. Mais en fait, j'ai regardé ça avec des cargos. Mais t'as pas de bateau, t'es jamais allé au Havre, qu'est-ce que tu fais toi? Non, puis je vous rappelle qu'il y a quand même un paquebot célèbre qui a rejoint l'Europe aux États-Unis, ça s'est quand même mal terminé, hein, l'histoire. Hein. Mais du coup, ça voilà. Ça commence parti et ça finit par Tannic. Ouais. Donc, c'est mon projet, mais bon, c'est un peu compliqué parce que ouais, donc 8 jours en cargo et en voilier, ça mettrait 3 fois plus de temps, voire 4 fois plus. Donc, ah, du coup, c'est vrai que ça fait pas beaucoup de temps sur place. C'est quoi. C'est compliqué là. Ouais. Ouais, c'est dur, c'est dur. Ta recherche à toi, Flo? Perçage d'abcès. Oh ah oui, alors faut savoir que Flo a une particularité, c'est qu'il adore regarder les gens qui s'éclatent les boutons en vidéo là. Mais alors, le mieux sur les abcès, c'est les abcès d'animaux. Parce que là, t'as beaucoup plus de. On dirait, tu sais, du yop à la fraise quand c'est hyper. Ça me fout la gerbe. Ça dégoûte. Franchement, là, je. Je vais me ressentir. Si, je vais me ressentir. Dans un instant sur Fun Radio, on va jouer ensemble puisqu'on vous envoie à Disney passer la journée là-bas le 14 juillet prochain. Laisse-moi deviner, on va jouer avec Valentin. Exactement. Restez avec nous, on se retrouve après Clean Bandit. Elle est médium, hein. I wasn't one of your exes. No, I'm the fool. Since you've been gone, been dancing on my own. This boy's up in my zone, but they can't turn me on. 'Cause baby, you're the only one I'm coming for. I can't take no more, no more, no more. I wanna fool, but I'm broken hearted. Cry, cry, cry. But I like to party. Touch, touch, touch. But I got no. No. vous tous de passer eh bien toutes vos soirées avec nous, car nous-mêmes nous sommes ravis de passer toutes nos soirées avec vous. Nous sommes Frédéric jusqu'à minuit, bienvenue. The Night Show. C'est du dimanche au jeudi, 22h minuit, sur Fun Radio. Et pour vous prouver que nous sommes ravis de passer nos soirées avec vous. Ça, franchement, je vous le dis, je kiffe ce PNL. Hein. Ah bah moi aussi. Je vous le dis, je l'écoute en boucle, je suis dingue de ce morceau. Je m'en lasse pas, énorme. Bon bref, tout ça pour vous dire qu'on vous offre un cadeau de malade, puisqu'on vous envoie passer votre toute la journée du 14 juillet à Disneyland Paris, histoire de profiter du Space Mountain, un coup la tête en haut, un coup la tête en bas, ça fait du bien. Ouais. Et en plus, le soir même, vous allez pouvoir assister à l'avant-première européenne du film Ant-Man et la Guêpe. C'est un film Fun Radio qui sortira le 18 juillet prochain. Et là, vous allez assister à l'avant-première européenne. Alors, il y aura l'équipe du film, il y aura l'équipe four, le tapis rouge, et que je te photographie par-ci et que je te photographie par-là. J'adore, en plus Ant-Man c'est un de mes super-héros préférés. Et donc du coup nous on vous offre vos invites, vous y allez avec la personne de votre choix. Pour ça nous accueillons Valentin qui est du côté de Paris. Valentin, je vais t'exposer dans un instant les règles du jeu. Bonsoir Valentin. Ne pense plus à rien, rien. Ça va Valentin? Et ça va et vous? Très très bien, t'as 27 ans mon chat. C'est ça. D'accord, bon du coup ça te chauffe pas mal j'imagine d'aller à Disney, découvrir le film, rencontrer les acteurs, on est sur un gros kiff. Ça paraît, ça fait pas de mal de s'envoyer en l'air. Allez. Oh. Oh, il est con. Oh, il est con, ouais. Bon Valentin, écoute, la règle est extrêmement simple. Je vais te décrire un super-héros Marvel, à toi de deviner de qui il s'agit. Ok, mais tu me décris pas Marion ou Anso, hein? Ah bah... Oh. En tout cas, il a de l'humour, hein. Et ça, au cocktail, là-bas, ça va faire mouche. Il est impayable. Allez, je commence, tu vas voir, c'est toute une petite histoire. Dès que t'as une idée, tu m'arrêtes, ok? Ok. Je suis un milliardaire qui s'est fait enlever en Afghanistan et qui a réussi à s'en sortir. Oh le con. Bah quand même, Babou. T'as dit quoi? Iron Man. Mais j'ai dit à une demi-phrase. Ah oui, mais bon, il n'y a pas 10 000 Marvel. Allez, j'avais préparé plein de choses. En fait, en même temps, si le truc, c'est que tu racontes le début de l'histoire. Donc, si tu as les 5 premières minutes du film, tu as déjà la réponse. C'est vrai, qu'est-ce que je suis bête. Non, mais vraiment. Oui, non, mais est-ce que je me suis dit, moi, il ne va pas remettre tout de suite. Et puis, machin, j'avais plein d'indices pour toi. Mais enfin, mon chat. Tu m'as dit, ouais, éventuellement, il a un problème. Il peut se transformer en robot, ou etc. etc. Là, il y a plus de. Là, tu peux rentrer un peu plus dans l'univers, tu vois. Bon, bah, en tout cas, de toute façon, le résultat est le même. C'est moi ou même t'engueule. Si. Oui, il est complètement en train de me dénigrer mon jeu. Mais mon chat, on est ravis parce que c'est gagné. Bravo. Bien joué. Oh, merci l'équipe, ça fait plaisir. Bah, c'est bien normal. En plus, t'as l'air d'être un connaisseur. Donc, on t'envoie là-bas, kiffer pour deux personnes. Allez voir le film. J'espère qu'il est bien. Il sort le 18 juillet, quoi. Non, rien du tout. Valentin, tu pars là-bas passer la journée le 14 juillet à Disneyland Paris. Tu vas pouvoir bouffer du petit four et tout ça, quoi. Il n'y a pas de problème, ça va être génial. Bravo, on t'embrasse fort. Pas de soucis, je peux faire une petite dédicace? Ah oui. Alors dédicace à mon ex-copine qui se reconnaîtra. Oula. La fille avec qui j'ai couché, ça s'appelait Palola, c'était ta sœur. Bonne soirée. Oh mais attends, mais c'est horrible ce que t'es en train de chercher. Attends, Valentin, là, t'es en train de régler tes comptes avec ton ex. En gros, tu lui dis que elle pense que t'as couché avec Lola, mais en fait t'as couché avec la sœur de ton ex. C'est ça. Ouais. Ah, mais ouais. C'est dégueulasse. Et elle ira pas voir Ant-Man en plus. Non mais c'est horrible. Ah parce qu'elle t'a fait du mal aussi. Ah ouais. Ouais, d'accord, mais la famille c'est la famille. Bah c'est ça, c'est-à-dire que tu viens de briser une famille Valentin quand même. Mais bon, en descente. Assez selon, écoute Valentin, c'est un parti pris. Hein. Bon. Écoute Valentin, a priori ça te fait marrer, donc on embrasse quand même ton ex et sa sœur. Hein. C'est ça. Bisous Valentin. Bisous. Et bisous. Et puis quand même bisous à Lola, cette pauvre femme. Ah oui, bah hein. Et alors pour tous les déçus, rassurez-vous, le jeu revient demain et puis dimanche et puis lundi et puis mardi prochain. Enfin bref, y en a encore des places pour Disney et je vais le corser le jeu du coup. Hein. Ah oui, bah parce que là je me suis un peu sentie insultée moi. Hein. Bon, je vous propose d'aller du côté d'Élodie. Est-ce que ça vous tente? Ah oui. Ah moi, de toute façon, depuis le début de la journée, je me dis quand est-ce qu'on va aller du côté d'Élodie. Élodie nous a envoyé un MP sur la page Facebook et Élodie se pose une question. Elle a besoin de nos services. Elle nous écoute ce soir. Ah. Elle nous dit ceci, coucou les filles, je me fais littéralement manger par les moustiques, j'en ai marre et donc je voudrais quelques conseils de grand-mère, ça serait vraiment sympa, surtout que je fais des allergies. En tout cas, ceci dit, je vous adore, vous êtes les meilleurs, gros bisous. Bon alors, Babou, je sais que tu as fait tes recherches et que tu as plein d'astuces. Ah mais j'ai bossé les gars toute la journée, j'ai passé ma journée à avoir des astuces anti-moustiques. Et avant, comment éviter les moustiques et après, une fois qu'on s'est fait piquer, c'est quand même important. Alors, tu vas nous donner ça dans un instant. Et moi, je vous propose d'élargir. Est-ce que vous aussi, vous avez des astuces pour survivre à l'été, que ce soit les piqûres, la chaleur, l'ennui, peut-être, pour ceux qui ne partent pas en vacances? On vous attend là au standard. On partage tout ça. On veut que l'été soit le plus kiffant possible. Non, mais moi, surtout, je veux des astuces contre la chaleur. Moi, je suis pas une femme de la chaleur, quoi. Moi, j'ai des gros problèmes de frange. Tu transpires, hein. Ah, moi, je suis. Allez, on partage tout ça ensemble. 0142 48 5000. Et le 56. Every night you give me something sweet, and when I'm down you always change the key. I need you now, my heart has lost the beat, and I'm counting on your loving melody. We both could use a reason just to smile, so let me be your harmony tonight. Every note you hit cuts into me, so let me hear your love sing. On va se faire le covoiturage de l'extrême dans quelques minutes. Sandrine Bréduc, à savoir, bon, bah, Anso ou moi-même Marion, on va piéger quelqu'un. Quelqu'un qui a envie de faire du covoit. Quelqu'un qui ne s'y attend pas. Quelqu'un dont la vie va changer ce soir. Oui. En attendant, on aide Elodie. Elodie, elle se fait manger par les moustiques et c'est pas la seule. Elle veut des conseils de grand-mère. Et en plus, elle fait des allergies. Donc pour ça, ça va être compliqué. Je pense qu'il faut carrément aller à la pharmacie. Mais sinon, toi, Anso, tu as des conseils. Non, mais surtout, si tu es allergique aux piqûres de moustiques, en tout cas si ça gonfle, eh ben, il faut éviter de se faire piquer. Alors pour ça, il y a plein d'idées. Il y a les huiles essentielles déjà. Bon, bah, je vais pas vous faire la liste parce que je la connais pas. Ah si. Non, mais bon, vous recherchez vous-même les huiles essentielles, c'est facile à trouver. En règle générale, le jasmin, ça se met partout. Il y a toutes les huiles essentielles. Le basilic aussi, je savais pas. Tu plantes du basilic dans un pot que tu mets au bord de ta fenêtre et tout, ça éloigne les moustiques. D'accord. Il y a aussi des bols d'infusion de thé dans lesquels tu aurais pressé de l'ail. Donc c'est dégueu, c'est pas à boire. Ah ouais, non, c'est une bonne vie. Mais en tout cas, apparemment, ça attire les moustiques et ça évite qu'ils te piquent. Ou alors, tu peux mettre des clous de girofle dans des oranges. D'accord, donc tout ça en fait c'est beaucoup de plantes quoi. Et alors beaucoup de plantes, et alors sinon, parce qu'il faut savoir que le moustique quand même avec sa petite face de petit chouin, le moustique, ce qu'il aime beaucoup c'est la transpi. Ouais. Donc du coup avant de se coucher, qu'est-ce qu'on se fait? On met du talc partout sur son corps. C'est vrai en plus. Hein. Comme ça. Bah oui, c'est vrai. Comme ça on bouche les pores de sa peau. Sa peau ne respire plus et n'attire plus les moustiques. Ah. D'accord. Et une fois piqué, est-ce qu'il y a des solutions pour atténuer tout ça? L'eau glacée, les glaçons, le vinaigre. Et le sachet de thé humide, le sachet de thé, c'est pareil, ça se met à tout bout de champ. Alors, la citronnelle, tout ça, moi, j'y crois pas trop, quoi. Bah, c'est vrai. Vraiment fait un exposé, quoi. Bah oui, je cherche. Bah, attends, Elodie nous demande, nous, on prend ça à bras le corps, on va pas la laisser comme ça. Je te cache pas que c'était pas non plus un gros travail d'investigation. J'ai tapé piqueur de moustique sur Google. J'ai pris les 10 premiers. Non, bébé, t'as recherché quand même, je t'ai vu, et t'as mis au moins 10 minutes. Ouais. Bah, c'est pas mal. Mais le sachet de thé, je connaissais pas, et en vrai, je vais essayer. Oui, et le talc, c'est bien aussi de savoir que les moustiques étaient attirés par la transpi, parce que du coup, une douche, du talc, c'est des choses à savoir. Après, effectivement, c'est un peu relou si tu dors à deux et tu fais une soirée un peu chaudasse. Du coup, c'est pas, ça donne pas envie. Chaudasse en talc, ouais. Elodie, en tout cas, fais attention avec tes allergies, ma belle. Dis-nous si ça va mieux avec tout ça. Et vous, vous nous appelez. On veut toutes vos astuces là pour survivre à l'été, que ce soit les piqûres, la chaleur surtout. Beaucoup, beaucoup de personnes se plaignent de la chaleur, donc allez-y. Peut-être l'ennui, peut-être, enfin plein de choses, les piqûres de méduses, tout ce qui peut se passer à l'été. Si vous avez en été, si vous avez quelque chose, vous nous appelez. Augustine a ses petits tips aussi pour les moustiques. Elle dit appliquer sur la peau du vinaigre. Bon, pareil, hein, si on est en, oui, bah oui, en couple et tout, ça daube un peu quand même. De la citronnelle ou alors de l'alcool à 70. D'essence. Ah ouais, bah là c'est too much. Bah non, mais ma belle, il faut faire attention quand même. Ouais, et moi j'avais vu un autre truc sinon, c'est mettre beaucoup de lampes de couleur jaune. Donc du coup, c'est cool parce que tu te fais pas piquer mais tu dors plus jamais. Parce qu'il y a trop de lumière. Ouais, c'est que ça peut être chiant les moustiques. Moi je préfère encore vivre dans la lumière que me faire piquer. Ouais. Enfin, dormir dans la lumière, du coup. Parce que vivre, tout le monde le fait, finalement. Et sinon, il y a un autre truc qui est pas mal que j'ai vu sur un forum. C'est un mec qui met tout le temps son ventilateur sur tout le lit. Ouais. Parce que du coup, comme les moustiques sont trop petits, ils n'arrivent pas à voler sur le lit. Et tu vois qu'elle a bossé, attends. Eh oui. Je vous le disais, 10 minutes facile. Tiens. Qui dans l'équipe a une astuce de ouf pour survivre à l'été? Ah bah moi c'est pas ouf, mais j'ai ma petite astuce que je pratique depuis une semaine à peu près. Alors c'est quoi? Et bah je vis nu, totalement nu, c'est-à-dire que j'arrive chez moi, j'enlève mon pantalon, mon caleçon, tout ça, je me mets nu, je prends des petits glaçons et je me mets partout sur le corps. Oh. Là ce matin j'ai fait une petite cure de un petit quart d'heure avec des glaçons, tu vois, dans le caleçon, et franchement ça te rafraîchit bien. Tu vis nu? Ouais. Ouais, ouais. Pour survivre à la chaleur? Ouais, c'est ça, mais c'est bien. Et en décembre il faisait chaud? Alors en décembre le truc c'est que c'est hyper bon pour le corps de confronter au froid. Le mec est tout le temps à poil. Bon bah appelez-nous, on partage tout ça tous ensemble. 01 42 48 5000. Allez-y. Anso, on a aussi pour survivre à la chaleur. Et on a beaucoup. Et je vous le dis, aujourd'hui elle a bûché hein, la meuf. Non mais j'ai une technique que je fais chez moi. Ah oui. Ça marche. Vous voulez que je vous le dise? Non. Ah, oui. Dans un instant on garde le suspense. Ah bah puis en plus c'est pas du suspense. Dua Lipa, c'est ce qu'on va s'écouter aussi. Hashtag le Night Show, on vous lit et il y a le covoiturage de l'extrême qui débarque là. Venez vous abonner sur Instagram. Marion et Anso. C'est nouveau dans la playlist Fun Radio. Dennis Lloyd. Bob Sinclair. La radio qui vous joue les meilleures nouveautés, c'est Fun Radio. T'es en panique quand tu te souviens que t'as dit à la fille la plus fraîche de la soirée que t'étais dresseur de tigre. Mais quand elle t'envoie un selfie avec un verre de Sunny Delight Ice Tea Pêche Acérola en te disant « J'ai les crocs !» Alors là, tu kiffes. Nouveau Sunny Delight Ice Tea. Drink Sunny and enjoy. Pour votre santé, évitez de grignoter. Salut Adrien, dis-moi, t'es chaud pour tes mix et tes sets de l'été? Mais carrément, Miko, j'ai les platines, la playlist, y'a plus qu'à. Y'a plus qu'à choisir ton Sam. Sam? Oui, Sam! Celui que tu désignes avant de sortir, celui qui conduit et qui ne boit pas. Bien sûr, Sam, le super pote qui a le super pouvoir de te ramener en toute sécurité. Voilà, le super pote, comme moi, quoi. Cool! Sam, ce soir, c'est toi. Exactement. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Fun Radio présente la soirée Party Fun Club. Au club 801 à 3. Hey guys, this is Nils Van Zandt. Samedi soir. Retrouvez le DJ Fun Radio Nils Van Zandt qui vous mixera tous les tubes de Party Fun. Welcome to Party Fun. Party Fun Club by Nils Van Zandt au club 801 à 3. C'est avec Fun Radio. Le son dance floor. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio. Fun Radio. Sur funradio.fr. This beauty by my side, he takes it nice and slow. Kiss and tell, I need something more, baby, come on, let's go. Raise your hands up high to the sky, we'll be reaching for the stars, yeah, tonight. Until the sun comes up, you and I, you better go. I Avant de continuer à écouter cette émission, voici un petit rappel du vocabulaire utilisé dans le monde du night show. Brrr. Mot définissant quelque chose de mignon, craquant. Exemple, il m'a offert une fleur, c'était trop brrr. The Night Show avec Marion et Anso. De 22h à minuit sur Fun Radio. Je vous le dis, pour le problème d'Elodie, on a plein de solutions qui arrivent. Je vous rappelle qu'elle se fait manger par les moustiques, elle n'en peut plus, surtout qu'elle est allergique. Eh bien, c'est aussi le cas de Coralie qui a appelé le standard, 26 ans de Quimper. Elle dit, il faut impérativement boire du jus de citron, comme ça, ça acidie le sang et les moustiques ne te piquent plus après. T'as acidie. Ah, c'est ce qu'on m'a noté, effectivement. Mais comment on dit ça? Ça acidifie. Oui. Ça rend acide. Alors moi, j'ai vu qu'il fallait s'en tartiner le corps, sinon, oui. Plutôt. Mais toi, tu veux qu'on se tartine le corps de oui. Eh oui, devinez que c'est pas moi qui le dis. Il y a Edouard sur Twitter aussi, dit les clous de girofle plantés dans une agrume, ça ne fonctionne pas. En revanche, le vinaigre sur les piqûres, ça marche très bien. Non, mais je pense que c'est bien de le boire parce que il faut aller à la source. Et si tu modifies un petit peu le sang, bah là, c'est bien. Hein, parce que là, si tu remets que sur ta peau, c'est un répulsif. Hein? Tu comprends? Ah oui, je vois bien que t'es calée en médecine. Oui, du standard. Mais surtout, ça pue si tu te mets du citron toute la journée. Eh oui, Oli, mais c'est pas moi qui ai inventé. Hein. Alors, bon, en tout cas, on attend toutes vos astuces pour survivre à l'été, surtout pour la chaleur, parce que je pense que c'est le gros problème. Ouais, moi, j'ai une astuce chaleur, d'ailleurs. Ah. Oui, mais on s'en fout. Chaleur. Randy est à Toulouse. Bonsoir, Andy. Salut Marion, salut Anso. Ça va, Andy? Ouais, ça va. Bon, je rigole, Anso. On prend l'astuce d'Andy et après on prend la tienne. Merci, c'est gentil. Voilà, parce qu'elle me fait des fucks depuis tout à l'heure. Ça me met mal à l'aise. Andy, 22 ans, raconte-nous quel est ton tips à toi. Moi, ma petite astuce, en fait, il faut savoir, je travaille dans une écurie. Et dans l'écurie, il y a un souffleur qui sert de balai. Et en fait, quand il n'y a personne et que j'ai trop chaud, j'allume le souffleur et je me le mets dessus, quoi. Ah, mais franchement, ça, c'est une super astuce parce que comme tout le monde a un souffleur à la maison. Ah oui? Ouais, c'est ça. Bah, le truc, c'est qu'il faut avoir un souffleur à portée de main. Ouais, après, c'est un peu compliqué. C'est ni plus ni moins qu'un ventilo sans hélice. Ouais aussi, mais ça, c'est beaucoup plus fort. Non mais en gros, il a raison, il faut trouver des astuces sur votre lieu de travail. Lui, c'est l'écurie, donc le souffleur, ça nous, marche. Nous, c'est la clim, oui, nous, ça va, c'est pas trop compliqué. Vous pouvez essayer d'en amener un aussi. Hein. Oui, tu peux aussi, oui, Flo. Moi, je fais pareil avec les pots d'échappement. Je me mets derrière et ça me souffle un peu. T'es con, celui-là. Sur le périph. C'est hyper dangereux. Ça rafraîchit vachement, pot d'échappement. Ah ouais, ça souffle de ouf. Oui. Bon on me dit en tout cas c'est débrouillard de ta part. Mais tu fais quoi exactement dans l'écurie? Tu montes les chevaux, tu t'en occupes, c'est quoi? Donnes des cours? Je suis cavalier, enseignant, ouais, donc je fais tout ce que t'as dit. Exactement, ouais, je monte les chevaux pour les propriétaires. Est-ce que ça veut dire que tu fais de la voltige, des roues sur les chevaux? Ouais, non, carrément pas ça, je sais pas du tout faire, je suis pas souple. Non, je monte dessus et je fais du saut d'obstacle plutôt. Ah, oh, d'accord, bah c'est super. Thibault, l'aréa. Moi je m'y connais un peu en chevaux justement, est-ce que tu les débours un peu? Ouais, en ce moment j'ai des chevaux d'endurance au débourrage. Ouais, d'accord, c'est un peu galère, mais bon. Ouais, c'est cool. Tu prends quelques chutes, quoi. Ah, c'est ça. Ouais. Andy, est-ce que toi aussi, parce que du coup je comprends rien à votre discussion, est-ce que toi aussi t'as des chevaux là où tu bosses avec des prénoms chelous? Ouais, j'ai un Kiss Me. Kiss Me? Ah, oh, ouais, c'est mignon. Un peu chelou. Ah ouais, c'est mignon. Enfin, j'espère que c'est pas un humain amoureux qui lui a donné ce prénom. C'est un peu chelou. Kiss Me, mais bon. Ouais, quoi d'autre? Non, je crois que y a tellement de prénoms débiles, quoi, que c'est. Ouais, rien de trop marquant. Oh, tu sais les goûts et les couleurs, hein. Oui. Thibaut. Le cheval de ma copine, il s'appelle Pikachu. Ouais. Oh bah oui, c'est un peu nul, oui. Ouais, c'est nul. Surtout sachant que quand même, Thibaut, la première expérience sexuelle, c'est avec une peluche qui s'appelait, ouais, qui était un Pikachu. Hein. Ah ouais, bon, c'est vrai. Et c'est là le problème, hein, c'est que j'ai voulu recommencer. Non, arrête, mais arrêtez de dire des choses comme ça. Bah, écoute, Andy, en tout cas, ça donnera des idées à des gens qui, sur leur lieu de travail, ont des souffleurs ou autres ustensiles qui peuvent permettre de leur souffler dessus, quoi. Et fais attention à tes chevaux avec cette chaleur. Hein. Bon, tu le sais, mais bon. Ouais. Ça doit être dur. Le matin. Nickel. Eh ben, on t'embrasse, Andy. Merci beaucoup. Salut l'équipe, bonsoir. Salut Lapin. Bisous, hyper cool ce Andy. Ouais, très sympa. Babou, quelle est ton astuce? Ah, et bien en fait, si vous avez un ventilateur chez vous, je pense qu'on a tous acheté un ventilateur dernièrement là. Il s'appelle comment le tien? Mike. Ah ouais. Bah oui, c'est vrai, sans elle. Le Mike. Elle donne des noms à tous ses objets. À tous mes objets, ouais. Mike. Mais bon, du coup, il a un demi-frère maintenant parce que d'où il a un ventilateur aussi. Ah, et bon, c'est Mike. Quoi alors le nom du. Je sais pas, il veut pas lui trouver de nom. Il est pas joueur d'où. D'accord. Bon. Bon, bref, vous prenez votre ventilateur et devant, vous mettez, surtout tout au long de la journée, vous remplissez d'eau des bouteilles en plastique. Oui. Vous les mettez dans le congélateur. Le soir, vous rentrez, elles sont très fraîches, elles sont congelées. Ouais. Et vous mettez les bouteilles devant le ventilateur. Comme ça, il va souffler devant les bouteilles qui sont congelées. Et vous amenez beaucoup de froid. Ah, c'est pas bête. Et oui, vous croyez qu'avec Mike, on bosse pas, nous. Ah, franchement, bien joué. Bah, merci. Je m'attendais pas à un truc aussi rationnel. Et je suis à deux doigts de... Ah, c'est vrai, je suis impressionnée. Que je m'attendais vraiment pas à un truc rationnel parce que t'es complètement conne. Non. C'est ça que ça voulait dire. Bah non, vraiment pas, Thibaut. Alors du coup, je peux y aller ma petite astuce aussi parce que c'est vrai qu'on m'a filé une petite astuce apéro qui est hyper bien pour l'été, tu vois, parce que tu veux boire une petite bouteille qui est un peu fraîche, que ce soit du Coca ou alors par exemple du rosé ou alors du rosé. Oui. Et attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé quand même. Absolument. Tu prends ta bouteille, tu l'entoures de sopalin et après tu passes sous l'eau et après oui. tu mets ça au congélateur. Bien sûr. Et du coup, elle est fraîche genre en 15 minutes. Exactement. C'est oui. hyper bien et après du coup, tu peux boire une bouteille de rosé. Tu peux en boire 2, tu peux en boire 8. Avec modération, effectivement. Mais c'est vrai, c'est une très bonne astuce qu'on partage trop. Ouais, j'ai fait ça avant l'émission. Et... que... Jenny nous a appelé, elle est du côté de Lyon. Bonsoir, Jen. Bonsoir. Comment ça va, Jen? Bah, ça va très bien, et vous? Bien. Très bien. Tu sais, ça s'entend. Tu as une voix de beurre qui va bien. Merci beaucoup. On t'écoute pour ton astuce, ma belle. Ah bah alors moi c'est très simple, je suis un peu maniaque, du coup je laisse tout fermé et surtout les rideaux et je laisse le ventilateur tourner toute la journée. Et ma dernière petite astuce qui ressemble un petit peu à la vôtre, c'est que je mets une serviette mouillée froide sur le ventilo et ah en oui. fait quand ça tourne bah ça dégage de l'air frais. Ah c'est pas con aussi. Super, ouais, ça marche très très bien. D'accord, moi en tout cas il faut un ventilo quoi, moi j'en ai pas et je voilà, pense qu'il va falloir que j'investisse. Ah c'est vrai que ça oui. peut te sauver la vie. Ou un souffleur, je sais pas, vous me dites. Qui est le plus efficace, ventilo souffleur. Je sais pas, ou un Karcher. Ah oui. Ouais ouais, pas cool. Bon bah Jenny, si ça marche bien pour toi, tant mieux. Bah merci beaucoup. Il y a pas mal de réactions qui arrivent au standard. Il y a Imen qui nous dit pour avoir moins chaud, il faut dormir avec un drap mouillé, mais c'est hyper désagréable. Ah, ouais. Ah non, en plus c'est faux ça, parce que hier par exemple en rentrant de la radio, je vous raconte un peu ma vie, j'ai pris une douche. Oui. Avant d'aller me coucher et je me suis dit tiens si je me séchais pas. Et en fait du coup tes draps sont trempés et du coup ton corps chaud sur quelque chose de mouillé, c'est pas agréable du tout, faut pas faire. Hein. Et après elle dit et mettre des glaçons dans tous les plis du corps, genoux, coudes, bras et tout, mais c'est horrible. Mais non. Bah écoutez, je sais pas, moi je lis ce qui arrive. Moi je pense qu'elle donne des conseils sans avoir réellement essayé. Hein. Bon bah Jenny, on va garder le coup de la serviette froide sur le ventilo. Mais en tout cas, ça marche très bien, je vous le conseille. Eh ben merci mon chat, merci beaucoup et on espère que tu vas survivre à cet été. Eh ben vous de même en tout cas, bon courage et bonne soirée. Bisous JJ. Bisous. Sur les réseaux, il y a Morline qui dit « Perso, je mets un mouchoir mouillé d'eau froide sur moi la nuit quand il fait vraiment chaud, ça rafraîchit bien et ça permet de dormir. » Tony nous dit « Piscine, puisse boire beaucoup. » Alors piscine, c'est vrai que vous allez dire « Ouais, mais tout le monde n'en a pas et tout. » Mais il y a des petites piscines gonflables, toutes c'est petites, vrai. Qui coûtent 10 balles chez Jiffy ou autre. Hein, j'en sais rien, j'ai pas de partenariat. Mais c'est le premier lot qui me vient. Mais du coup, peut-être si vous avez une petite maison ou un appart, ça peut très bien marcher. Hein. Et Lilou nous dit « Mouiller son coussin pour avoir moins chaud la nuit. » Bon, c'est pareil, pas très conseillé, je pense. Bah, ouais. En fait, c'est pas ça, c'est que c'est pas agréable, parce qu'au bout d'un moment, ça se réchauffe et ça a l'effet inverse. Oui, c'est pas faux. Flo, peut-être que tu as une astuce à nous proposer. Ouais, moi j'ai un petit tips, c'est que t'invites plein de potes à toi, tu fermes toutes les fenêtres, tu fous le chauffage et raclette. Et là, c'est parti. Ah bah, c'est vrai. En revanche, on dit beaucoup, et d'ailleurs, dans les pays où il fait extrêmement chaud, souvent on boit du thé très très chaud. Et on mange des raclettes. Non, mais on boit du thé très très chaud parce que c'est ça qui désaltère réellement. Et j'ai lu aussi qu'il fallait prendre des douches plutôt chaudes plutôt que froides. Ah bon? Oui. Ah mais c'est l'enfer parce quand que, tu fais 35. Oui, mais parce que ton corps, il va avoir tendance à vouloir absolument se réchauffer en sortant d'une douche froide, tu comprends? Alors s'il fait chaud, ça fait chaud plus chaud, ça fait tanas. C'est la cata, tu vois. Alors que si tu prends une douche chaude, bah ton corps, il va se dire ah, il fait chaud, donc je vais essayer de me refroidir. Froid plus froid égale kiff. Ah bah d'accord. Oui. En tout cas, je sais que pour le coup de boire chaud, c'est tout à fait vrai. Il vaut mieux. Ah, tu vois, je dis pas que. Non, mais attends, mais ce soir, t'es d'une pertinence. Oui. C'est assez épatant, Babou. Hein. Alors, c'est vrai que j'ai des sujets que je maîtrise plus que d'autres, hein, c'est sûr. Eh ben, on espère que vous allez survivre à cet été. Il y a pas de raison. On a du beau temps, faut en profiter. Donc, kiffez. Et dans un instant, c'est le covoiturage qui débarque. Sandrine Briduc, cette meuf complètement jetée, jouée par Marion Wanso, va essayer de s'incruster dans une voiture. C'est juste après Dua Lipa. That's funny, I guess you heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Il y a quelques instants sur Fun Radio, on parlait d'astuces pour survivre à l'été, notamment aux piqûres et surtout à la chaleur. Eh bien, sachez qu'une innovation vient de sortir et que je pense que ça peut intéresser pas mal de gens, c'est la couette anti-canicule. Génial. C'est la société Smart Duvet qui vient de lancer cette nouvelle couette qui permet tout simplement de contrôler la température. En fait, la couette, elle est connectée à une application et on peut modifier eh bien, la température de la couette directement avec cette appli. Mais ça va trop loin. Mais c'est énorme. Et en plus, tu peux avoir des températures différentes sur chaque partie de la couette. Par exemple, si ton partenaire a trop chaud et que toi, t'as trop froid, enfin, tu peux la régler. C'est selon, quoi. Le prix de vente, 180€, je trouve que c'est pas si ouf. Non, c'est pas si cher que ça pour une technologie pareille. Hein. Ouais. Bah ouais, moi je trouve ça super bien. Après, c'est à tous les coups, ça tombe en panne. Un coup, oui, t'as envie d'avoir froid, il fait trop chaud. Voilà. Alors, cela dit, je trouve ça très pratique. Tu dors avec quelqu'un, tu veux qu'il se barre. Bim, température 130 degrés. La personne fuit. Eh, franchement, elle est maligne. C'est-à-dire, ça mouline, ça galope. Et si ça vous intéresse, la société Smart Duvet, vous allez regarder, vous êtes autonome, attention. Allez là. Le covoiturage. Mais vous pouvez pas me faire ça. De l'extrême. Vous êtes sérieux là? Évidemment, vous connaissez tous Sandrine Brieuc. Bah oui. Eh oui. Quoi? Et qu'est-ce que j'entends? Toi, derrière la radio, tu ne connais pas Sandrine Brieuc. C'est fou ça. Eh bien, Sandrine Brieuc est jouée soit par Marion, soit par Anso. Et très souvent, dans le Night Show, on essaie de s'incruster en tant que passagère au covoiturage que les Français proposent. Ah oui. Ce soir, cette personne complètement jetée. C'est Marion. Oui, et alors ce soir, je suis Sandrine, la menteuse. Je mens comme je respire, je dis des trucs, mais énormes. Tu veux dire que tu es totalement mythomane. Voilà. Et est-ce que tu as un exemple? Oui, alors par exemple, là, si je veux faire ce covoiturage, c'est pour aller voir ma mamie. Hein, une grand-mère composée uniquement de papier. Comme il a plu avant-hier, je suis très inquiète. Voilà. Par exemple, ce genre de choses. Bon, ben, je te propose d'appeler Bernard Dinanar. Ah, oui. Nanar. Alors, il fait quoi? Strasbourg-Versailles? Ouais, c'est ça. On appelle mon nanar. Allez, c'est parti. Ah non, nanar ou bébé, c'est selon. Et puis après, faut que je vous laisse parce que j'ai Manu, Emmanuel Macron qui m'appelle là. Faut que j'y aille. Oui, allô ? Bonjour, Bernard ? Allô ? Bonjour, je suis un homme. Bernard ? Oui ? Oui, Sandrine Bréduc à l'appareil pour le covoiturage. Vous pouvez préciser, s'il vous plaît ? Oui, je précise, Strasbourg-Versailles. Oui ? Voilà, j'aurais aimé partager ce trajet avec vous. D'accord, c'est pour faire la totalité du trajet ? Oui, tout à fait. D'accord. Vous avez de la place dans la voiture ? Oui, pour l'instant, j'ai de la place. Non, mais c'est parce que je mesure, Bernard, plus de 12 mètres, donc je préfère être sûr que vous ayez de la place. Oui. D'accord. Donc, écoutez, vous pouvez me préciser, donc... Vous avez quoi comme voiture, Bernard ? J'ai un petit break Skoda Fabia. Ah, c'est marrant, j'avais ça aussi avant. Ouais, elle roulait au sirop d'érable. Et elle volait, cette voiture. Incroyable. Non, la mienne ne roule pas au sirop d'érable. Ah, d'accord. Elle roule au gazole. D'accord. Et alors, vous pensez que pour la durée du trajet, ça va mettre combien de temps ? Écoutez, j'ai prévu de partir à 9h30 de Strasbourg. En réalité, je pars un peu avant. Je pars pas à 9h30, mais je pars de chez moi à 9h parce que je suis à une demi-heure de Strasbourg. Donc après, j'avais mis sur mon annonce. Je pense qu'on arrivera à Versailles vers 15h30 si tout va bien. Hein. Ouais, parce que moi, une fois, je l'ai fait en courant. J'ai mis une heure. Donc. Attendez, vous dites quoi là ? Vous êtes en train de me raconter quoi ? Rien du tout. Je parle du covoiturage qu'on va partager ensemble, Bernard. Je vais aller me dégourdir les jambes parce que là, pendant que je vous parle, je commence à avoir une crampe dans ma troisième jambe. C'est très désagréable, Bernard. Voilà. Il y aura des pauses pipi ? Attendez, vous me dites en courant, j'ai mis une heure. C'est quoi ça ? J'aimerais bien qu'il y ait des pauses pipi parce que comme je fais pipi du cappuccino, ça fera une petite pause café en même temps. Oui, mais forcément, je fais des pauses de temps en temps. Parfait, ça c'est bien. Ça c'est très bien. Et vous roulez à combien, vous, avec votre voiture ? Attendez, vous rigolez ou quoi là ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Une enquête ? Pas du tout, c'est juste que je partage. Moi, une fois, j'ai roulé à 500 km/h avec une Twingo, donc j'aimerais savoir si vous aussi, écoutez, vous avez des performances. Vous êtes en train de me mener en bateau là. Pas du tout, Bernard. Bonne journée. Il fait chaud en ce moment, Bernard, c'est pas évident parce que moi, je suis enceinte de mon 8e enfant en un an. Et du coup, là, il faut que j'expie un peu avec vous. Eh ben forcément, Bernard, je vais enchaîner des trucs énormes. Et surtout, on va pas se mentir, hein, Bernard se sentait totalement sous pression. Il avait l'impression d'être sur écoute, le mec. C'est fou. Bah oui, le pauvre. Bon, bah j'irai pas là-bas. Cela dit, on va pas se mentir, il était quelque part un petit peu sur écoute. Ah oui, effectivement. Eh oui, c'est la radio, c'est l'écoute. Ne m'en remerciez pas. Non, on te remercie pas. Sigala, c'est ce qu'on s'écoute maintenant sur Fun Radio. Et alors, attention, énorme problème qui arrive dans un instant avec Caïs. Caïs, oulala, il a fait quelque chose de dangereux et d'inconscient. Il va falloir qu'on l'aide tous ensemble. C'est la merde. Will you serenade me with the song you used to play? Till the night turns into day, will you hold me? Sweet. sleeping, you're all I'm needing. When my heart stops beating, just sing to me. When I'm not sleeping, you're all I'm needing. When my heart stops beating, just sing to me. Soyez tous les bienvenus. Il y a plein de choses qui arrivent encore dans le Night Show. L'enceinte JBL Charge 3 à vous offrir dans le Pourquoi tu m'appelles. Le Pourquoi tu m'appelles du coup. Le moment sexe tout à l'heure. La mère Foras avec l'énigme qui rend fou, mais qui vous offre aussi des cadeaux de dingue. Ça nous en fait des choses en minuit là. Ah, Pierre, attention parce que là en plus on a un gros cas à résoudre. Celui de Caïs, 30 ans de Lyon. Caïs, il a fait quelque chose et maintenant il est dans une mer de noir. Ah oui. Bonsoir mon caca. Ah ouais. Bonsoir l'équipe. Alors. Vraiment, je suis dans la merde parce qu'en fait, j'ai rencontré une meuf au mois d'avril. Oui. En fait, j'ai rencontré dans un magasin. C'était juste pour aller faire des courses. Et au final, j'ai rencontré cette meuf et je l'ai rencontrée, on va dire, un samedi. Je m'en rappelle et le mardi d'après, elle m'avait invité chez elle et voilà, tu vois, on a couché ensemble. Et depuis, moi, je me suis dit, ça y est, je vais rentrer chez moi, je vais plus la revoir. En fait, voilà, c'était un juste plan, un coup quoi. D'un soir. Ouais. Pour moi, c'était juste un petit plan. Et au final, elle me dit, ouais, elle me rend compte, il n'y a pas longtemps, là, elle m'envoie un message, elle me dit, je suis enceinte, j'ai fait le test de grossesse. Et je lui ai fait comprendre, mais moi, j'en ai rien à foutre de ta vie, façon de parler. Je lui ai dit. Oula. Ah non. Alors, Caïs, déjà, ouais, non, mais c'est là. Peut-être pas une. Déjà, premièrement, mon chat, si elle peut te faire croire qu'elle est enceinte, c'est que vous avez pas mis de capote. Bah oui. Ouais, le problème, en fait, c'est non, quoi, mais Caïs... à l'envers. Je lui ai dit... En plus, tu vois, moi, j'ai 30 ans, je lui ai dit, t'as 20 ans, tu prends la pilule et tout. Il n'y a pas que ça, Caïs. Il n'y a pas que ça. Les maladies. Elle me dit que c'est un accident, en plus. Elle me dit, elle a toujours pris. Non, mais Caïs, écoute-nous déjà. Deux secondes, s'il te plaît, parce que là, on va pas être très content. On vous dit, Milan, t'es pas un gamin, Caïs, tu vois, tu connais les risques, tu le sais, on te le rabâche depuis le début. Tu couches avec une meuf que tu connais pas, tu mets une capote, elle prend la pilule ou pas, tu mets une capote, c'est tout. Il y a les maladies aussi, ça passe pas par la pilule. J'ai fait le test depuis. Mais tu la connais pas. Tout, mais bon, après, voilà, c'est. Ah bon, après, voilà. Tu sais la connerie que t'as fait, donc on va pas t'engueuler, mais c'est vrai que faut pas faire confiance comme ça. Et maintenant, du coup, bah, tu te retrouves avec ça. Alors, de toute façon, tu lui dois rien à cette personne, hein. Elle peut pas te faire du chantage ou de la pression. Hein. Mais Caïs, est-ce que c'est pas un peu du bluff aussi? Bah, par rapport à ça, moi, elle me dit, elle a fait son test, elle m'envoie des photos de son test, là, elle me fait comprendre, assume. Je lui ai dit, moi, j'assume rien du tout. Mais peut-être qu'elle a couché avec d'autres gars aussi. Peut-être que c'est pas toi. Bah, voilà. Ouais, bah, j'espère. Bah, elle me dit que c'est moi. Parce bon, attends, Caïs. Moi, je la crois, cette meuf, mais. Oui, voilà, mais écoute-nous, t'es pas obligé de l'assumer, faut pas paniquer. C'est une énorme boulette, c'est relou parce que c'est quelque chose qui va te suivre et que ça reste un enfant, donc c'est grave, mais t'es pas amoureux de cette fille. Ah, ben non, mais Babou, tu me regardes, s'il a pas envie, je suis désolée, elle fait son choix de manière très égoïste, cette personne, elle lui impose un truc. Ouais, je suis d'accord, mais enfin, bon, on parle d'un enfant qui a rien demandé, que si elle garde, il faut quand même qu'il ait un peu des repères, tu comprends? Ah, bah ça, je lui souhaite. Caïs, au bout d'un moment, mon chat, moi, je t'explique ce que je ferais à ta place. Hein. Après, t'es pas obligé de m'écouter. Ouais, dis-moi. Mais partant du fait que t'as 30 ans, que t'as pas mis de capote et que ça, c'est quand même très con, tu pars avec, en prenant des risques et en toute connaissance de cause. Ouais, parce que la fille, tu la connais pas, elle te dit je prends la pilule, mais qu'est-ce que t'en sais en fait? Tu sais rien. Et puis un accident, ça arrive. Hein. Donc du coup, il faut que t'assumes jusqu'au bout. Il faut juste que tu lui dises, écoute, quoi que tu choisisses, moi je suis là, mais arrête de l'envoyer balader. C'est le meilleur moyen pour que tu la brusques. va la voir, buvez un café, dis-lui, écoute, ouais, on a fait les cons, bah voilà, je veux savoir ce que t'en penses, qu'est-ce que t'as envie de faire. Mais après tout, s'il y a un enfant en jeu et qu'elle décide de le garder, il faut quand même qu'il ait des repères, Case. Non, mais je comprends tout à fait, mais c'est, si elle prend cette décision, cette personne, elle a pas à lui imposer comme ça, je veux dire, elle doit lui demander son avis à lui. Enfin, c'est un truc qui se fait à deux, elle peut pas décider pour lui et le mettre dans un rôle comme ça d'un coup, cette elle personne. Elle peut pas décider, mais j'entends bien, à elle, on sent, je conçois que si toi t'as pas envie d'avoir un enfant, c'est une prise d'otage. Ah oui. Et moi, je pense juste à l'enfant, en fait. À un moment donné, il va falloir que tout le monde règle des comptes et que tu donnes des comptes à cet enfant qui a rien demandé. Hein. Ah bah ça, j'entends bien. Voilà, c'est ça le problème. Alors que moi, dès maintenant, je veux devoir rien du tout à personne, en fait. Ah oui, Mikaïs. Eh, mais c'est trop facile, ça, mon bah oui, aussi, hein. T'as fait le con, mon chat. Mais reste avec nous. On va peut-être demander aussi l'avis aux auditeurs, parce que c'est quand même un gros, gros, gros et dossier. Oui. Et cette personne, elle est très malsaine. On n'a pas le droit de prendre les gens en otage. On n'a pas le droit de leur faire des enfants dans le dos. C'est la vie d'être humain. C'est dégueulasse de faire ça et d'imposer ça. Donc voilà, t'as fait le con et elle est conne. Tout ce que j'ai à dire. 23h15, 01 42 48 5000. Vous nous appelez, on réagit. Et appelez-nous là. Dites-nous si vous avez fait des trucs dangereux et inconscients, vous aussi. C'est vrai. Non, Baudelaire, il doit être fier de toi, Baudelaire. Toute jamais pour le son, c'est ce qui arrive. Ça va bien avec mon humeur, ça, tiens. Allez, restez là, on est en direct. Tweetez l'émission. Hashtag Le Night Show. Et suivez le compte Marion et Anne. Qu'est-ce que c'est ? Fun Radio vous envoie faire la fête au plus gros festival. People of Tomorrowland. Tomorrowland. Dès que vous entendez le double fun avec David Guetta. Mixé avec Feder. Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous partez pour 3 jours de fête à Tomorrowland en Belgique. Tu pars faire la teuf au plus gros festival du monde, Tomorrowland. Le double fun, uniquement sur Fun Radio. 3228, service payant 50 centimes d'euros par minute, plus prix d'un appel. Salut Adrien, dis-moi, t'es chaud pour tes mix et tes sets de l'été ? Mais carrément, Miko, j'ai les platines, la playlist, y'a plus qu'à. Y'a plus qu'à choisir ton Sam. Sam ? Oui, Sam ! Celui que tu désignes avant de sortir, celui qui conduit et qui ne boit pas. Bien sûr, Sam, le super pote qui a le super pouvoir de te ramener en toute sécurité. Voilà, le super pote, comme moi, quoi. Cool ! Sam, ce soir, c'est toi. Exactement. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Les meilleurs DJ de la planète vous donne rendez-vous à l'Electro Beach Music Festival avec Fun Radio. Electro Beach. Martin Garrix, Armin Van Buuren, DJ Snake, Afrojack, Diplo et bien d'autres. Réservez dès maintenant vos places en vous connectant sur electrobeach.com et funradio.fr. L'Electro Beach 2018, du 12 au 14 juillet à Port Barcarès, c'est avec Fun Radio. Le son Dance Floor. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Ce sont les seules filles qui sont toujours là pour vous. It's the Night Show. Marion Yanso. The Night Show. The Night Show. 22h à minuit. Sur Fun Radio. Bon, c'est vrai qu'on est un petit peu énervé par l'affaire Caïs. Caïs a 30 ans, il a fait l'amour avec une fille un coup d'un soir dont il se fout complètement, qui est plus jeune en plus, qui a 20 piges. Il ne met pas de capote, elle lui dit qu'elle prend la pilule, c'est pas une raison, on fait que de vous le répéter. Bref, résultat, elle tombe enceinte, en tout cas, elle lui dit qu'elle est tombée enceinte. Bluff, pas bluff, aujourd'hui elle lui a quand même envoyé les tests, les photos et tout, donc on a tendance à croire que c'est vrai. Et Caïs nous dit, moi je ne veux pas assumer cet enfant, je suis dans la merde, que faire? C'est vrai que bah on a tendance à dire, mon pote t'as fait le con, faut assumer jusqu'au bout, mais Anne-So a raison, entame une discussion posée et construite avec elle pour peut-être essayer de décider ensemble au lieu d'être comme ça dans l'affront, quoi. C'est vrai. Ah oui. Non mais parce qu'en plus ça va te permettre, toi mon chat, de te rendre compte si cette fille elle te ment ou pas, parce que là c'est que des échanges, vous êtes pas revus depuis. Non, c'est pas revu, mais ouais. Elle m'a envoyé un message juste à jouer avec moi, en fait. Elle m'envoie juste son message, la photo de sa thèse de grossesse, là. Mmh. Et la première fois, elle m'a dit, ouais, elle m'a envoyé un message, genre, réponds, rappelle-moi. Je savais même pas c'était qui le numéro. En fait, c'est un ami à moi qui lui a donné mon numéro, parce que moi, j'avais tout fait pour l'esquive, en fait. Mmh. Je sais pas, j'ai pas eu de chance. Non, mais faut que tu la vois en vrai maintenant, Caïs, posée en terrasse d'un café, vous discutez, parce que peut-être qu'elle, ça va moins l'amuser aussi de devoir pas énerver. Peut-être que ça l'éclate aussi, hein, c'est possible. Peut-être qu'elle bluffe, et auquel cas elle bluffe pas, mon chat, Caïs, je suis désolée, mais t'as fait le con, t'as joué, t'as perdu, mon pote. Hein. Ouais. C'est vrai, je recommencerai plus. Hein. Bah oui, c'est sûr. Faut se protéger. Hein. Après, il y a plusieurs, on te dit pas qu'il va falloir que tu prennes la garde complète de cet enfant. On te dit juste qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il aura peut-être besoin de repères et que tu peux pas disparaître dans la nature comme ça. C'est trop facile. Et il faudra quand même assumer un minimum. Je serai obligé en fait. Et la loi elle dit ça. Non. La loi elle. Tu fais ce que tu veux. La loi elle dit pas ça, Caïs. Mais faut être quand même. Il y a un peu d'éthique, tu vois, dans ce monde. Faut quand même se dire que à un moment donné, même si t'as fait une boulette parce que t'as pas mis de capote, c'est juste un être humain que vous mettez au monde qui a rien demandé à personne et qu'à un moment donné, il va peut-être vouloir connaître ses origines. On te dit pas qu'il faut que tu t'en occupes, même si moi c'est ce que je ferais. Mais toi, tu feras ce que tu veux, Caïs. Mais c'est juste que si à un moment donné, il y a un gamin qui tape à ta porte en disant « Est-ce que c'est toi mon père ?» Bah peut-être dis oui. Quoi, oui, tu vois. Et puis peut-être à un moment donné, il va falloir qu'elle l'élève aussi, si t'as les moyens de l'aider. Enfin, tu vois, il y a plein de choses à voir, mais il faut assumer. Voilà. Et il y a Christophe sur la page Facebook qui dit « Sinon Caïs », puisqu'a priori, c'est vrai, Marion disait ça tout à l'heure, on ne sait pas si c'est toi le papa non plus, il y a peut-être d'autres garçons. Clair. Je vais demander un petit test de paternité. C'est ce que Christophe proposait sur la page Facebook aussi. C'est la première chose à voir, hein. Voir si elle ment pas, voir si elle ne ment pas, si c'est vraiment toi le père. Et une fois que tout ça s'est posé, voir si elle veut vraiment, vraiment le garder et qu'elle reste bornée. Et dans tous ces cas-là, eh bien oui, peut-être que là, il faudra quand même que tu assumes ce que tu as fait. Voilà. Mais bon, ça reste ton choix. En gros, j'ai pas le choix. Si, t'as le choix, Caïs. Non, mais nous, c'est des conseils qu'on te donne, la loi te forcera à rien. Voilà, t'as le choix. Mais okay, nous, bah, on te dit, et un peu d'éthique. Ouais. Bien sûr, y a pas de souci. Je vais assumer ma connerie, mais par contre, je recommencerai plus. Je vais compter à tous les auditeurs de se protéger quand ils vont faire une petite relation avec n'importe quelle femme, parce que c'est vraiment dangereux. Les femmes, c'est clair qu'on n'a pas le choix. En gros, vous avez le choix de le garder, mais on n'a pas le choix. En fait, on a fait une erreur. Oui, bon, t'es tombé sur une femme aussi très particulière, mon chat. On n'est pas toutes comme ça. En l'occurrence, il n'y a pas que les bébés. Hein. T'as échappé à la maladie et c'est déjà beaucoup. Ouais. Enfin, fais les tests. En tout cas, je vous remercie. Vous êtes super. Franchement, Marion, Anso, Thibaut, Flo, tout le monde. Même les standards, magnifique. Et vous êtes super et il n'y a rien à dire. Et tu nous tiens au courant quand même, Caïs. On va suivre le truc. Oui. Si tu veux nous envoyer des messages sur la page Facebook Marion et Anso, c'est Marion et moi, on est dessus toute la journée. Donc, si tu veux, on échange des messages, il n'y a pas de problème. Eh ben, en tout cas, vous êtes super et je vous tiens au courant, il n'y a pas de problème. Et on t'envoie capote, test de grossesse à foison. C'est clair. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous entendre et je vous tiens au jus. Allez, pas de soucis. Bisous, bonne papa. Soirée à vous. Salut, Caïs, garçon. Salut, mon pote. Comment ça va, on peut rigoler. Hein. Bon, bah voilà, j'espère que ça va s'arranger cette histoire, Thibault Larrea. Est-ce que t'as déjà fait quelque chose d'inconscient ou de dangereux, toi, mon chat? Alors, ça m'est déjà arrivé, mais c'était pas voulu. Effectivement, une fois, j'ai une capote qui a craqué et j'ai flippé. Donc, direct après, je suis allé faire un test et puis bah, j'avais rien et la fille avait rien. On est allé tous les deux au planning familial et finalement, tout s'est bien passé. Oui, mais c'était pas de ta volonté, ça a craqué, tu vois. Non, mais alors, je me suis fait engueuler au planning familial parce qu'effectivement, en fait, j'avais mal mis. Il faut bien passer le bout, machin et tout. Et je me suis fait engueuler parce que j'étais pas. Voilà, j'ai pas fait gaffe. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous dit, avant de faire l'amour avec quelqu'un, si c'est planifié et tout ça, peut-être entraînez-vous à mettre des capotes chez vous, quoi. Mais oui, sur des bananes et tout, mais vraiment. Non, mais sur vous, sinon tu prends ton propre sexe. Ah, mais parfois, t'as pas forcément une gaule tout le temps, alors. En tout cas, on n'est pas obligé de rester sur le domaine du sexe. Si vous avez fait quelque chose de dangereux, d'inconscient, vous nous appelez maintenant au 01 42 48 5000. Oui, on va peut-être vous engueuler un peu, parce qu'on est comme ça, mais au final, c'est que du partage. Nous aussi, on a fait des choses inconscientes. Totalement inconscientes, avec Marion. Des déglingos de l'inconscience. Ah, bah oui, j'en ai fait, moi, figure-toi. Vas-y. Bah par exemple, je me suis déjà exposée au soleil très longtemps sans mettre de crème. C'est inconscient. Mais attendez, vous êtes fous, c'est hyper dangereux de faire ça. J'ai eu des cloques et tout, des coups de soleil de malade. Ça peut donner des graves maladies de peau, vous êtes grave. Hein. Ah mais c'est sûr, hein. Non, en vrai, c'est vrai que pas s'exposer, ça peut avoir des graves problèmes. Oui, Flo. Et ça, c'est le truc le plus dangereux que t'aies fait de toute ta vie. T'exposer au soleil. Qu'est-ce que j'ai fait? Une fois, t'as fait du vélo, rappelle-toi. Ah ouais. Ça, j'ai fait du vélo, ouais. Et un jour, elle a fait cuire un truc, elle a pas allumé la hotte. Elle a monté des marches, elle se tenait pas là. D'accord, elle se fout de ma gueule. Qu'est-ce que t'as fait d'inconscient, toi? Manger des bonbons. La tug, en tant que diabétique. Bah oui, je suis diabétique. Bah, tu le fais un peu souvent, ça. Ouais, aujourd'hui particulièrement. Hein. C'est une grosse journée, bon, mec. Franchement, on est cascadeuses avec Anso. Ouais, c'est ça. Sophie nous a appelé du côté de Paris. Bonsoir, Sof. Oui, bonsoir. Sophie, bienvenue. 18 ans, est-ce qu'on va t'engueuler? Merci, je pense. Oh là là, vas-y. Je pense. Alors moi, c'est une histoire qui commence banalement. J'étais en soirée, on a un peu picolé. Et au final, je pouvais pas dormir sur place. Du coup, j'ai décidé de partir. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plus de transport, mais du tout, du tout. Ah. Donc, j'essaye de commander un Hitch ou un truc, un petit taxi, tout ça. Oui. Rien sur place. Donc, je me mets à marcher. Je vois 2-3 voitures qui passent. Et à 5h du matin, il y avait un peu de monde. Donc, je commence à faire du stop. Oh non. Il y a un monsieur qui s'arrête. Il avait pas l'air vraiment bizarre. Et je connaissais pas vraiment le coin, mais je reconnaissais pas du tout la route. Non, mais t'es montée avec un mec que tu connaissais pas en stop à 5h du mat? Ouais. Ah oui, quand même, parce que... chaud. Bah, après, le stop, c'est chaud, courant, ouais. Mais bon, quand on est une meuf en pleine nuit, c'est quand même déconseillé. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est plutôt déconseillé. Et alors, il était comment, ce mec? Et au final, un peu chelou. Ouais, mademoiselle, vous êtes charmante, il faut pas faire de stop à cette heure-là. Au début, je pensais qu'il était bien intentionné. Mmh. Et après, ça a commencé à déraper, vous avez quel âge? Ah, mais je vous trouve très séduisante. On peut aller boire un café chez moi tant que vous vous réveillez et tout. Oh, et tout. Oh le flip. Donc, un peu insistant. Là, j'ai été prise de panique. Je ne savais plus quoi faire. On était en train de rouler dans des petites routes de campagne, tout ça. Donc, Et c'est marrant, hein. C'est marrant parce que moi, chaque fois que j'ai fait du stop, personne ne m'a proposé un café. Les gens me déposent toujours sans. Non, il n'y a pas de. Il n'y a même pas de matage, tu vois. Non. Bah, vaut mieux. Hein. Je préférais pas avoir la proposition de café, quoi. Et oui. Mais du coup, il t'a rien fait. T'es descendu sur les sauts. Non, il m'a rien fait. J'ai commencé à crier un peu, même dans la voiture, ça sert à rien. Mais du coup, j'ai commencé à m'affoler. Je pense que ça l'a affolé lui aussi. Puis à un moment, je lui ai dit, j'habite la maison qui est là et tout. Et il m'a laissé dans un petit village. Donc là, cette fois, j'ai attendu, j'ai appelé un de mes copains, il est venu me récupérer. Ah ouais. Ouais, non, faites attention avec ça, hein. Le stop donc, et tout, franchement, moi, j'aime pas trop, on sait jamais sur qui on tombe, ouais. Comment ça va se passer. Alors, je sais qu'il y a plein de gens bien intentionnés et que ça se passe très souvent bien, mais suffit d'une fois, quoi. Ouais. Bah là, j'ai eu de la chance, quoi. Ouais. J'ai eu de la chance qu'il me laisse et j'ai eu de la chance de pas être trop bourré non plus parce que, à mon avis, vraiment bourré, il aurait fait ce qu'il voulait, quoi. C'est vrai, oui Flo. Donc, Je dis ça, je dis rien, mais les plus grands serial killers prenaient des autostoppeuses. Oui, c'est exact. Vraiment. Ouais, on m'a raconté ça une fois que... Et d'ailleurs, on avait une survivante. On avait une survivante de ce tueur en série spécialisé dans les stops comme ça. C'est ça, le fameux tueur en série de la campagne. Mm. Mais j'ai eu bien peur. T'as raison Sophie de faire l'accent du Sud, est-ce qu'il avait l'accent du Sud? Bon Sophie, tout est bien qui finit bien. Voilà, c'était un peu inconscient, mais ça s'est arrangé, donc tu recommenceras plus. Et puis voilà. Non, je recommence plus le stop, hein. Je me débrouille toujours maintenant. Nickel. Je dors sur place ou on me ramène. En tout cas, t'as vraiment une jolie petite voix, ma Sof. Merci, c'est très gentil. Et puis moi, je trouve que entre moi et mon exposition du soleil et le stop avec un pervers, je trouve que je suis pas mal aussi sur le danger. Hein. Sophie, merci. Le danger du soleil, il est là quand même. Hein. Merci. Et oui, tu as raison, ma Sof. Et oui. Indice 40-50. C'est ça, toujours la protection. Sophie, on t'embrasse, mon chat. Merci de nous avoir appelés. Ça marche. Bah, merci à vous, bonne soirée. Bisous. Ah ouais. Ah, j'ai hâte d'entendre le prochain. J'ai un peu peur parce que tu sais, ça me met les nerfs à vif. Il s'appelle Sven. Ah. Et il habite à Lignoles. Bonsoir Sven. Bonsoir Sven. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Alors Sven, toi aussi paraît que t'as fait un truc un peu foufou. Ouais, complètement. Bah raconte. En fait, j'ai fait des soirées avec des copains, j'ai bu un coup un soir, après le lendemain, la journée, on n'a pas arrêté de boire, le lendemain soir pareil, et puis le jour d'après, j'ai pris la moto pour aller voir, pour boire un coup avec des copains un peu loin de chez moi. T'as roulé en état d'ivresse? Complètement. Non mais c'est pur, ouais. Oh putain, alors là tu vas réveiller la bête d'Anso parce que ça c'est vraiment le truc qui l'insupporte le plus. Comment on regarde, elle a même pas envie de parler tellement elle est vénère. Elle est toute rouge. Il le sait qu'il a fait une bêtise. Mais d'accord, mais c'est pas ça Sven, c'est que tu le sais, mais tu tues quelqu'un, tu te dis pas, bah ouais mais je sais que j'ai fait une connerie. Mais c'est quoi de mon con et inconscient de faire ça? Mais j'arrive pas à comprendre en fait. Tu peux pas t'empêcher de boire pendant une soirée, mais moi ça me dépasse totalement quoi. J'aimerais tellement pas être ton fils. Ah mais ça me dépasse totalement. Attends, laisse parler Sven. Sven, pourquoi t'as fait ça mon chat? Bah en fait tout simplement c'est parce que j'étais un peu alcoolique et puis j'aimais bien faire des soirées avec des amis, boire des canons, des choses comme ça et puis j'arrêtais pas. Ah mais d'accord, déjà si tu te sens un peu alcoolique, c'est vrai qu'il faut régler le problème et surtout en attendant, il faut absolument pas prendre le volant, ni la moto, ni rien du tout quand tu sais que t'as un problème de ce type, tu vois mon chat. Même pour toi, parce que tu peux tuer quelqu'un d'autre, mais tu peux aussi te tuer toi-même. Hein. Ouais, bah je sais, j'ai failli mourir. Ah bah voilà. Parce que du coup, t'as eu un accident en plus. À 30 km/h, la tête, elle a tapé dans un mur. Ah merde. Mon chat, j'espère que ça t'a remis les idées en place et que tu l'as plus jamais refait. Voilà, dès que je bois des canons, soit je suis à pied ou soit je bouge pas. Ah, c'est bien, il faut, Sam. Mais du coup, Sven, tu nous parlais, tu sentais que t'avais un petit souci avec l'alcool, mon chat. T'as pas envie de te soigner, d'aller te faire aider? C'est fait. Ah, donc du coup, t'as ralenti là un peu. C'est bien. Ouais, mon accident, il s'est passé le février 2016. D'accord. Donc c'est il y a plus de deux ans. Et puis ouais, après, je me suis fait soigner, j'ai passé voir un psy et tout. Bon, ça va mieux maintenant? Oui. Bon, fais attention, mais au moins c'est bien que tu témoignes. Ça va peut-être remettre tes idées en place à pas mal de gens. Il a eu un accident, il a eu du mal à s'en sortir. Donc faites attention avec l'alcool et le volant, bordel. Et puis Sven, il faut que tu t'entoures aussi de gens un peu responsables. Il faut toujours s'entourer de potes qui sont relous. Hein. Moi, je suis relou. Hein. Je suis la pote relou à dire tout le temps non, tu prends pas le scoot, non, tu prends pas le machin. Mais tu me casses les couilles. Et ben, je m'en fous. Bah, tous mes potes, c'est l'inverse. Ils sont tous là. Vas-y, bois coup. Ils sont cons comme pas possible. C'est ça le problème. Ah, franchement. Quand même! C'est la jeunesse, on aime bien boire des canons. Oui, d'accord, mais Sven, moi aussi j'aime bien boire des canons. C'est pas le propos, Sven, c'est convivial, c'est très sympathique. Mais il faut juste être mesuré et se dire que on boit des canons quand on va chez un pote, et c'est quelqu'un qui a pas bu qui nous ramène, ou on rentre en taxi. Tu dors là-bas? Oui, tu dors là-bas, il y a plein de solutions, tu vois. Maintenant, c'est ce que je fais. Une fois, ça suffit, mais j'ai eu une grave séquelle quand même. Ouais, mon chat, ça va quand même dans ta vie, mais aujourd'hui, tout va bien. Ouais, j'ai encore un peu le corps qui n'est pas droit, mais bon. Ah, mais à 130, c'est normal. Ah oui, ah, je croyais que tu allais dire 130 degrés, je me suis dit, il n'est pas si penché que ça. Mais non, mais tu roules à 130, tu te prends un mur. Non, mais Sven, mon chat, ça t'handicape pour le boulot et tout ça, ou t'arrives quand même à gérer? J'étais coureur et puis maintenant je travaille dans les vignes, donc j'ai pas de douleur comme avant. C'est physique quand même. On espère que ça va aller mieux pour toi. Ouais, ça va bien se passer. Et Sven, tu vois, je me suis énervée tout à l'heure, mais je trouve que quand même t'es super touchant comme mec et que je sais que t'as fait une connerie. Enfin, tu vois, en plus j'ai pas besoin de te le dire. T'as des séquelles de l'accident, donc voilà. Mais sache qu'on sera toujours là pour toi, nous, Sven. Oui, Thibaut. Mais et en plus, si tu veux vraiment prendre la moto une fois que t'as bu, moi j'ai un petit conseil. En fait, tu peux le faire, mais ce que tu fais, c'est que tu prends pas vraiment ta moto, mais tu fais comme si tu montais sur une moto. Tu fais ba ba ba ba et tu vas voir, c'est encore plus marrant. Tu marches comme ça dans la rue, tu fais ba ba ba et t'es en moto, mec. Ça marche jamais assez longtemps. Ouais, putain, merde. Si, faut croire en la moto imaginaire, Sven, hein, c'est important. Sven. On y croit tous dans les soirées, mais ça dure 5 minutes et après c'est fini. Merci beaucoup, mon chat, parce que c'est cool d'avoir entendu ton témoignage. Je pense que ça peut aider pas mal de personnes aussi à prendre conscience. Donc tu nous rappelles absolument quand tu veux et on espère que ça va aller. Ouais, pas de problème. Allez, prends soin de toi, mon chat, on t'embrasse. Ouais, ça devrait bien se passer. Au revoir. Bisous. Bonne soirée. Il est chou comme tout, ce Sven. En fait, il m'a touché, quoi. Mais ça m'énerve aussi. Arrêtez. Mais oui, mais on sait, Babou. Arrêtez là. Mais dès que vous faites un truc inconscient, ça nous énerve. Donc voilà. Après, on a tous fait des conneries. Regarde, t'as mangé des bonbons, toi. Moi, je me suis baffré de bonbons toute la journée. C'est quand même très dangereux quand on est diabétique. Mais si on fait ça, c'est pas parce qu'on aime s'énerver contre vous, c'est parce qu'on vous aime et qu'on a un cœur qui bat pour vous. Évidemment. En tout cas, entre Caïs et le bébé, Sophie et le stop, et toutes ces histoires-là, moi, je vais faire des cauchemars. Et Marion et qui se tartine pas de crème solaire. Hein. Terrible. Tout jamais pour le son maintenant sur Fun. Vous êtes sur Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. êtes tellement nombreux à réagir sur les trucs inconscients et dangereux qu'on a fait que je pense qu'on va se refaire une session bientôt. Là, il y a des réactions, mais de ouf sur Twitter. Je voudrais juste citer Anthony. J'ai pratiqué la sodomie 2 jours après une gastro. C'est très dangereux. Voilà. C'est vrai que ça fait partie des choses dangereuses. Très bon. On va jouer ensemble à minuit à la mer Foras. Vous connaissez le principe. Une énigme, 1 minute 30 pour y répondre et un super cadeau puisque c'est une box Beauty Face. Oui. Voilà, avec plein de pinceaux chamés de la marque Studio 5. Donc pour vous inscrire, 01 42 48 5000. Vous avez vu, à partir de ce soir avec Marion, on a décidé d'appeler ça la Beauty Face et plus la boîte faciale, qui était un peu tendancieuse. Ah oui, j'ai bien vu que ça vous choquait, vous les garçons. Bah non, c'était bien. Bon, l'énigme de ce soir, elle est un tout petit peu plus difficile qu'hier, mais vraiment très facile quand même. D'accord. Donc voilà, ça vous donne pas trop d'indices. Inscrivez-vous. Je vous attends 01 42 48 5000. Pourquoi tu m'appelles ? Oh merde, connard. Je vais te l'enfoncer profond. Oui, bien profond. J'aime les loups-bars dans ton genre. Continue, t'es en train d'être enregistré. Ouh, c'est dans le Night Show. Sur Fun Radio. Le Pourquoi tu m'appelles, c'est tous les soirs chez nous et on sait que vous aimez beaucoup cette séquence. Donc pour vous inscrire, ça se passe par mail marion@funradio.fr. Du gros cadeau cette semaine. Oui, exactement. On vous offre l'enceinte JBL Charge 3. C'est une enceinte qui va sous l'eau. C'est une enceinte que vous pouvez emmener absolument partout, tel un animal de compagnie. D'ailleurs, vous pourrez la renommer Titou si vous voulez. Et pour jouer, il faut battre Marion ou Enzo. Pourquoi tu m'appelles ? On appelle au hasard en France. Le but est de rester le plus longtemps possible. L'enceinte en plus est stylée. Elle est design. Nico. Oman, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ça va, Nico ? Ça va et vous ? Oui, alors, est-ce que tu sais que mamie Annette, ma mamie, est originaire du Mans ? Ah ! Sérieux ? Ah bah, je te le dis, comme ça, elle connaît très bien le Mans, et moi aussi, les rillettes, les 24 heures, tout ça. Oui, et MMA ? Aïe ! Moi, je le savais, parce que c'est vrai que ta grand-mère sent fort les rillettes. Hein. Ah ! Mais non, elle sent le parfum de vieux, elles sont trop bons. Bah, c'est horrible, hein, le parfum de vieux, en général, ça dope. C'est un doux mélange de fragrance sympa et de pipi. Non, je vous assure qu'elle sent bon, mamie Annette. C'est méchant chat. Allez, Nico, tu veux jouer contre qui ou pourquoi tu m'appelles Soirce ? Je sais pas, comme vous voulez. Ah bah non, mais Nico, c'est trop facile d'arriver comme ça, de pas faire de choix. Hein. C'est à toi de choisir, c'est la règle. Bah, moi, j'ai bien envie de choisir pour lui. Hein. Allez, je te choisis Anso. Allez. Voilà, Nico, travail d'équipe, j'ai choisi Anso parce que j'ai une idée de difficulté pour elle. Ah. Anso, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Tu vas faire ton pourquoi tu m'appelles et pendant celui-ci, tu vas mourir et ressusciter. Mourir et re-ressusciter. Enfin bref, comme ça, c'est la valse de la mort. D'accord. Mourir. Elle t'aime bien. Mourir et vivre. Exactement. Allez Nico, je me lance et t'iras après chaton, d'accord ? D'accord. Allô ? Allô ? Oui. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, pourquoi vous m'appelez ? Mon téléphone vient de sonner. C'est nul. Pardon, je... Ah, oh, j'ai mon cœur. Ah, ça va mieux. Excusez-moi, monsieur, mais là, vous... Ah, mais c'est où ? Ah, je revis. Oh non, ça me saoule. Qu'est-ce qui vous saoule, du coup ? Hein ? Ah, le couteau de boucherie ! Ah, oh, bah c'est... Il t'a jugé. Et il a tout de suite dit, c'est nul. En plus, en vrai, ça me fait vachement de peine quand il juge comme ça. Ah ouais, bah non, mais pourtant, t'étais très bonne dans le rôle de la mort. Ah oui. Je meurs bien ou pas ? Oui. On dirait Marion Cotillard. Combien de temps tu vas à l'arrière ? 30 secondes. 30 secondes à battre, Nico. Franchement, ça sent bon. Je la sens, l'enceinte. Ouais. Allez, Nick, on t'a pas demandé ce que tu faisais dans la vie, d'ailleurs. Je suis paysagiste. Eh ben parfait, parce que les paysagistes ont beaucoup plus de chances de gagner. C'est une étude américaine qui l'a prouvé pour le poupou. Et en plus, c'est hyper cool pendant que tu jardines l'enceinte. Eh oui. Alors, la musique, comme ça ? Pas de difficulté, mon Nico, hein ? Non, du tout. Je sais pas pourquoi je meurs. Et je revis. Oui, allô ? Oui, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Vous êtes ? Allô ? Oui. Je sais pas, vous m'avez appelé sur mon numéro de téléphone, c'est pour ça. Je me demande pourquoi vous m'avez appelé, c'est pour ça. Je vous ai appelé sur quand ça ? Bah là, tout de suite, maintenant, vous venez de m'appeler. Ah non, c'est pas possible. Du coup, non. Bah je croyais que si. Eh ben non. Si, sinon vous allez bien sinon. Connerie. Ah non, bah Bouta pas eu le temps de mourir et de ressusciter puisqu'elle est partie, elle a dit connerie. Ah, c'était violent, c'était un accident de voiture. Oh là, bah quand même. Oh non, la musique de suspense, ça veut dire que c'est tendu, tendax. Anso avait fait 30 secondes, c'est ça, Thibault à l'arrière ? Absolument, je confirme, oui. Nico Dumont, Nico oui. Le Manceau, Nico oui. La Rillette, Nico oui. L'Assureur. Combien de temps a-t-il oui, fait moi. Et c'est la fin de l'émission, on le découvrira demain avec le Non, en plus, je rigole, mais malheureusement, Nico a fait 31 secondes ouais ouais La classe. Bravo, bravo. Monico, on t'envoie oh, l'enceinte JBL Charge 3, elle est étanche, elle est stylée, elle a de la batterie, elle est Bluetooth. Et en plus de ça, si tu es célibataire, elle peut te rendre quelques services. Bah quand même. Merci beaucoup. On t'embrasse, Monico. Merci, c'est génial, c'est cool. Allez, au revoir. C'était un petit dédicace. Oui, attends juste, Tanso doit ressusciter. Aïe, c'est bon. Bon, vas-y. Je fais une dédicace à Alan, mon poteau, à Mathieu, mon meilleur pote, à ma famille, toute ma famille, Manon, tout le monde, j'espère que tout le monde m'écoute. Je vous fais tous de gros bisous et je vous fais une grosse dédicace à vous l'équipe aussi. Amber. Bisous mon Nico. Bisous Nico. Bisous. Enfin. Agel pour le son, c'est ouais. Maintenant avec Tayo Cruz. Et alors attention, grand moment dans le Night Show dans quelques instants, puisque nous allons vous faire découvrir une nouvelle catégorie de vidéos, de sexe, hein. Oui. Mais un truc mais complètement barré. Restez bien là. We can roll now, we can ride out, if there's something that you want, baby, we can go there, anywhere you dare, I can show you. Bad and I want it bad, so we can do that. The things that you want, baby. Been running around all over town. I finally found a way to get up. Your mindless ain't no pressure at your leisure. We can go as far as you like, baby. We should explore what we're made for. Say the word, you know that I'll be ready. 'Cause you want it bad and I want it bad, so we can do that. The things that you want, baby, you want, baby. Been running around all over town. I finally found a way to get. Le Night Show avec vous jusqu'à minuit. Alors le Night Show, c'est quoi aussi? Eh bien, ce sont des instants découvertes. Ah oui, c'est parce qu'on est des archéologues, hein, oui. Et c'est vrai que là, on est tombé par hasard, enfin je dis on, c'est Thibaut, sur un site pornographique avec une nouvelle catégorie de vidéos. Alors on y va avec grande modération sur les sites de cul, je rappelle que ce n'est pas la vie. Et en fait, là, il se passe absolument rien de sexuel dans cette vidéo. C'est juste une fille qui raconte la dernière fois qu'elle a fait l'amour avec des mots hyper hard. C'est extrêmement malaisant. Ah, moi, je trouve que c'est le truc le plus gênant que j'ai jamais entendu de ma vie. Bon, est-ce qu'on peut se faire un petit extrait maintenant, Thibaut ? Allez. Faut que je te raconte une soirée. Elle était tellement bonne. Je me suis fait défoncer par tous les trous. T'as même pas été du chibre qu'il avait entre les pattes. Et là, il a réveillé la grosse pute qui sommeillait en moi. Oh là là. Il a réveillé la salope qui dormait, tu vois. En moins de 5 minutes, j'étais à genoux, en train de lui pomper la queue. Moi, je veux un mec qui me respecte pas. Un mec qui me crache dessus, qui me donne la fessée, qui me fasse chialer. C'est horrible. Mmh, allez, vas-y. Lâche ta purée, loser. En fait, c'est un débrief. C'est un débrief de film sexuel. Exactement. En fait, elle raconte et c'est censé vous exciter. Alors, dites-nous ce que vous en pensez parce que pour nous, c'est le truc le plus malaisant du monde. Ah ouais, non, mais sur moi, ça marche pas. On en parle dans un instant et racontez-nous les fois où vous avez été mal à l'aise dans le sexe. Tiens, 01 42 48 5000, oui. Ah bah non, toujours pas, non. Toujours pas. Elle dit quoi à la fin? Lâche la purée. Ouais, elle lâche la purée. Ouais. Oh, non, elle fait lâche la purée. Mais remets un coup quand même, remets un coup. Non, non, après, après, après. Ma catégorie préférée, c'est Hard POV. Tweetez l'émission. Hashtag Le Night Show. Et suivez le compte Marion et Anso. La radio des plus gros festivals. This is Fun Radio. Électroland. Stéréopar. Electric Park, L'Amnésia au Cap d'Ac, Lollapalooza. Fun Radio est là. Où sont tous les DJ? À partir du 12 juillet, Fun Radio sera en direct de l'Electro Beach. Electro Beach. Pour 3 jours de fête et de mix non-stop. Avec DJ Snake, Diplo, Martin Garrix, Armin Van Buren et plein d'autres. Vous voulez encore ou quoi? La radio de votre été, c'est Fun Radio. Fun Radio, je t'aime. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Fun Radio présente la soirée Party Fun Club au club 801 à 3. Hey guys, this is Nils Van Zandt. Samedi soir. Retrouvez le DJ Fun Radio Nils Van Zandt qui vous mixera tous les tubes de Party Fun. Welcome to Party Fun. Party Fun Club by Nils Van Zandt au club 801 à 3, c'est avec Fun Radio. Le son dance floor. Salut, c'est Adrien Thomas. Party Fun, ça commence dans 20 minutes. Party Fun. Et si vous sortez ce soir, bah, n'oubliez pas votre Sam. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio sur funradio.fr. Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. sont deux. Et elles n'ont aucun pouvoir. Elles ne peuvent pas sauver la planète, mais au moins, elles vous font marrer tous les soirs. C'est Marion et Anso. It's the Night Show. De 22h à minuit sur Fun Radio. Ne pense plus à rien, rien, rien, rien. On parle avec vous des fois où on a été gêné, mal à l'aise dans le sexe. On vous attend au 01 42 48 5000. C'est vrai qu'on a découvert une nouvelle catégorie de vidéos. Enfin, Thibaut a découvert ça sur un site de cul. Et c'est bon, il y a rien de trash. En fait, c'est juste une personne, une fille qui raconte la dernière fois qu'elle a fait l'amour, sauf qu'elle utilise des mots dégueulasses. Enfin, c'est pas du tout classe. C'est vraiment, je vois pas qui ça peut exciter. Bah, c'est pour ça qu'au-delà de raconter la dernière fois où elle a fait l'amour, elle raconte la dernière fois où elle a tourné dans un porno. Donc forcément, c'est plus trash. C'est exactement ce que Marion vous disait, le porno c'est pas la vie quoi, c'est pas comme ça que ça se passe. Thibaut. Et surtout dans la vidéo en fait, elle est... parce que là l'extrait qu'on a écouté il y a 5 minutes, je vous ai pas tout gardé parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment trop trash, même moi je trouve ça trop trash et vraiment trop dégueulasse. Et en fait il y a des trucs qu'elle dit, par exemple, en fait elle appelle le gars qui regarde la vidéo un loser, tu vois. Donc elle t'insulte de loser, elle dit allez vas-y masturbe-toi, enfin dis pas masturbe-toi mais elle dit un mot trop trash, loser machin et tout. Et après en fait elle te demande d'éjaculer dans ta main et elle te dit vas-y maintenant lèche ta main, lèche ta main. Ah oui, d'accord. Ah, c'est horrible. Ah oui, c'est un peu une dominatrice. Ah, moi j'ai joué le jeu, c'était pas très bon. Non, Titi, allez là. J'ai joué le jeu. Quelle horreur. Bon, appelez-nous pour nous raconter le truc qui vous a mis mal à l'aise. Yann nous a appelé du côté de Quimper. Bonsoir Yann. Bonsoir l'équipe. Salut Marianne. Ça va? Ça va et vous? Très bien, tu as 23 ans. Ouais, j'ai 23 ans. Alors Yann, déjà avant de que tu nous racontes ton histoire, il y a beaucoup d'auditeurs sur la page Facebook Marion Anso, Benjamin, HypnoKiss7 aussi qui nous disent que ils sont très très gênés par cette jeune femme. Ouais. Oui, bon bah ça va, on n'est pas les seuls. Yann, toi qu'est-ce que t'en as pensé? C'est ignoble et ça te donne absolument pas envie de jouer le jeu. Quoi. D'accord. Bon, et ben elle a perdu un client déjà cette personne. Dis-nous Yann, qu'est-ce qui t'a gêné toi? Alors, c'était un date badou. J'avais donné rendez-vous au bar. Du coup, on est allé boire quelques verres. La soirée se passait bien. On parlait tranquillement. Elle était sympa. Mm. Puis elle me demande de la ramener chez elle. Donc moi, je vais pas la laisser rentrer toute seule. Donc je la ramène jusqu'à chez elle. Elle m'invite à monter pour me montrer son appartement. Donc moi, je monte. On était tous les deux. Puis je comprends, Yann, tu montes parce que toi, t'es dans l'immobilier. Bah oui. Donc tu veux voir. J'aime bien observer. Non, mais j'étais. En plus, c'était une personne avec qui je voulais peut-être me mettre en couple. Du coup, je voulais écrire un truc. J'étais pas dans l'objectif de niquer dès le premier soir. Et du coup, je monte. Et elle me montre son appartement. Je fais un petit tour. Et là, elle commence à m'embrasser. Moi, je me laisse faire. On va dans la chambre, on commence à faire le truc, et d'un coup, elle me retourne, elle me plaque, elle me fait « Je t'aime, tu m'appartiens, t'es à moi ». Ah oui. J'ai commencé à avoir peur. Ah oui, je peux comprendre. Oui, en gros, elle était déjà dans les sentiments, quoi. Voilà. Ah bah là, c'est psycho. Ah oui. J'ai commencé à avoir peur, j'ai fait semblant de m'endormir, parce que ça m'a coupé. C'est très drôle. J'ai fait semblant de m'endormir, et pour me réveiller, elle a commencé à me mettre des tartes. Oh mais non. Tu les choisis bien. Ah hein. Oh, la folle dingue, ouais. Et vu que je me réveillais pas, elle m'a bouffé le doigt. Quoi? Oh là là. D'accord. Les porte-plaintes. Mais elle t'a bouffé le doigt, genre elle t'a mordu? Ouais, elle m'a mordu. Ah ouais, nickel. Mais elle est complètement jetée, elle. Un peu, oui. Mais t'es parti? J'ai cherché une excuse en disant que je devais prendre des médicaments chez moi. Je me suis levé, j'ai pris mes affaires. Quand je suis sorti de l'appartement, qui a fermé la porte, j'ai tracé jusqu'à chez moi. Mais attends, mais quelle drôle d'idée quand même. Une meuf qui est le premier soir te dit t'es à moi, tu m'appartiens, déjà il y a fuyé. Et puis déjà, parce que très bonne technique Yann, hein, faire semblant de s'endormir, mais la meuf qui le réveille en le giflant et en lui mordant le doigt, elle l'a grignoté, nickel. C'est terrible. Et juste, elle t'a pas, enfin je sais pas, elle a pas essayé de te rattraper, de t'envoyer des messages. Non, elle m'en a renvoyé plus tard. Elle m'a fait ouais, j'ai envie qu'on se revoie. Je fais non, c'est pas possible, tu m'as fait peur. Ouais, bah oui, c'est bien de le dire. Bon bah Yann, là franchement, bravo. Effectivement, cette histoire était très gênante. On est complètement dans le thème. Ouais. Merci. Depuis, ça va? T'en es où? Ben, je m'en suis remis mentalement, mais c'est toujours le vide intersidéral côté relation. Ah, ça va venir, mon yaya. Oui. 23 ans. T'as l'air sympa comme tout en plus. À Quimper. Alors. Au pire, mais tu la rappelles. Mais non, t'inquiète pas, prends le temps et c'est quand on s'y attend moins que ça arrive. Toujours. Eh oui. Ouais. Allez, on te fait de gros bisous. Ben, je vous remercie. Bisous, Yannou. Bonne soirée. Ciao, ciao. Bon, on a le temps pour une anecdote gênante dans le sexe. Qui veut la faire là dans l'équipe? Ah, Flo. Ah, et Flo. Flo. Ah, et parce que Flo, on sait qu'il vit plein de moments gênants. Donc... Et puis nous, on s'est beaucoup livré déjà dans cette émission et Flo est un peu nouveau, oui. Donc on a envie de savoir. Vas-y. Bah moi, en fait, j'étais en train de faire des préliminaires avec une meuf. Ouais. J'enlève ma main de sa culotte et là, j'avais du noir sur les doigts. Mais il faut qu'elle soit vivante, Flo. Je sais. Alors, je sais pas si c'est l'hygiène, si c'est la culotte qui avait déteint. Bon. Bref, j'ai trouvé une excuse pour me barrer rapidement. Mais qu'est-ce que t'as fait? Bah rien, j'ai enlevé ma main, j'ai vu mes doigts, j'ai fait OK. On va pas se mentir. Bah écoute, je vais y aller, j'ai trouvé une excuse et je me suis barré. C'est du sang de règle, on va pas se mentir, ça va être que mais ça. Non, là c'était noir. Bah noir. Oui, mais ça arrive. Quand t'as du vieux sang qui stagne, c'est noir. Ah oui, désolée, elle était juste pas lavée. Bah si, Thibaut à l'arrière. Moi je trouve que vous êtes hyper méchant parce que ça se trouve, cette fille-là, bah en fait elle était juste mécanicienne. Okay. Elle a démonté un pneu avec son vagin. Et c'est tout. Oh non, c'est terrible, franchement, on n'aura pas mieux. Alors, elle faisait des tutos make-up, elle a mis du mascara. C'est dégueulasse, c'est horrible. C'est horrible, mais la pauvre, tu lui as pas dit qu'elle avait un problème quand même? Je l'embrasse. Non, non, bah j'ai pas cherché plus loin. Mais quand même. Bon, on va passer à la mère Foras parce que là, moi, je suis pas bien. Hein. Je me sens fébrile. C'est dégueulasse ce que tu nous as raconté. Romane est à Saint-Brieuc et c'est elle qui joue avec nous à la mère Foras ce soir. Bonsoir, ma Romane. Hey, Romane. Coucou. Romane, t'as pas été trop choquée, ça va? Non, ça va. J'ai juste envie de faire un truc. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. 14 ans, c'est ça? Oui. Bon, les vacances se passent bien? Oui, tranquille. Ce serait encore mieux, j'imaginais, si tu gagnais ce soir. Bah oui. Bon, ma chérie, franchement, c'est pas compliqué, mais c'est vrai qu'il faut un petit peu se concentrer. Donc, on est focus, d'accord? D'accord. Bon, je t'envoie, si besoin d'une aide, au lit du standard, parce que c'est la seule qui ne connaît pas l'énigme de ce soir. Ok? Ça marche. Une fille est assise, mais vous ne pouvez pas vous asseoir à sa place, même si elle se lève. Où est-elle assise? Roman, écoute bien. Une fille est assise, donc visualise, la fille, elle est assise, mais tu ne peux pas t'asseoir à sa place, même si elle se lève. Pourquoi? Où est-ce qu'elle peut être assise? Je sais pas. Dans l'espace. Hein. Propose. Non, Babou. Au lit du standard, est-ce que t'as une idée? Je suis la plus nulle, tu sais. Bah oui, je sais. Non, au lit, la plus nulle, c'est moi. Bah, c'est vrai. Concentrez-vous. Vas-y, n'hésite pas à manquer de respect. Du allez, coup. allez. Perdons pas de temps, il y a Romane là qui veut gagner. Une fille est assise, mais vous ne pouvez pas vous asseoir à sa place, même si elle se lève. Pourquoi? Où est-ce qu'elle peut être? Elle fait la chaise. Tu sais, quand tu fais le sport et que tu te mets en mode chaise, elle est non. assise sur rien? Non. Un pouf? Bah non. Bah non. Elle est aux toilettes? Non, parce que tu pourrais prendre sa place aux toilettes. Même si t'as pas envie. Oui. Tu peux. Personne n'a d'idée là? Bah si, bah, Thibaut, je l'ai fait tout à l'heure, il y a connu. Ouais, je l'ai trouvé. Un tabouret. Je sais. Oui, Oli? Les genoux? Comment ça, les genoux? Elle est sur les genoux? Elle a triché. Non, c'est ça, plante quand t'es non, triche. Elle est. Bon, je vous donne la réponse parce que Romain ne l'aura pas. En gros, elle est sur vos genoux. Une fille est assise, mais vous ne pouvez pas vous asseoir à sa place même si elle se lève. Pourquoi? Parce qu'elle est assise sur vos genoux. Eh oui, elle est pas sur oui. les genoux au lit. Elle est assise sur tes genoux à toi. Ah non, mais c'était pas facile aussi, Roman. Je le sais, je suis navrée, je sentais pas ce soir. C'est con, t'avais un bon joker quand même. Oui, mais oui. Non, mais on t'avait bien aidé. Ah ouais, putain. Non, mais Babou commence pas à être faible, là, je te vois avec tes petits yeux, mais je suis désolée. Moi, je te laisse la décision, mais ça me fait beaucoup de peine. Roman, elle a 14 ans, elle démarre ses vacances. Tu veux lui foirer son été, ça que tu veux? Et en même temps, est-ce qu'on se maquille à 14 ans? Ah oui, je rappelle, c'est quand même ça le. Tu te maquilles, Roman? Bah oui, tu mets un peu de bluche. Et elle est cool ta vie en ce moment ou pas? Bah ouais. Dis non. Il faut dire non, Roman. Faut dire que tu viens d'apprendre une nouvelle terrible, que ton chien est mort. Ah bah non, quand même. Oh non. Mais c'est pas vrai, c'est pour de faux. C'est pas possible d'être premier degré comme ça. Tu sais ce qu'il faut dire, que t'as du sang noir dans la culotte. Oh non. Mais non. Oh non. Bon, Romain, faut m'excuser. C'est gagné, bravo. Oh merci. Oh non, ouais, il est temps que ça s'arrête parce que ça part en n'importe quoi. Allez Romane, on t'envoie ta... Je peux juste faire une petite dédicace. Ah oui. Oui. Bah je fais une dédicace à mon cousin Hugo et à son pote Baptiste. Voilà. Voilà. Et ben bah, on les embrasse tous les deux et on t'envoie le cadeau à la maison, mon chat. Bisous. Ça l'a pas perturbé, Romane, non? Non, pas du tout. Bah, elle voulait faire sa dédicace, donc. Et puis je rappelle que ça vient pas de moi, c'est Flo quand même hein, qui a vécu cette histoire. Hein. Oui, mais enfin. Bon, retour de la mer Foras demain à partir de minuit, puisque c'est à minuit qu'on joue. Mais nous, on sera là à 22h, soyez bien là. Ce sera la dernière de la semaine. Ah, on est en direct, mais on continue après. On sera encore là la semaine prochaine. Et on vous met du contenu quasiment tous les deux jours sur la chaîne YouTube Marion et Anso. Donc on y va, on s'abonne, on like, on lâche et... des coms. Et puis on n'hésite pas à activer la cloche. Et on écoute Elliot qui vous réveille avec le best-of de Bruno dans la radio dès demain à partir de 6h. Est-ce que j'ai tout dit? Il y a Cachemire qui arrive là pour Party Fun? Il arrive exactement Party Fun jusqu'à 2h du mat. Jusqu'à 2h, deux fois plus de Party Fun en ce moment, c'est le kiff. Donc restez bien branchés sur Fun Radio. Et l'équipe, vous me suivez, d'accord? Allez! Ouais. Est-ce qu'on était contents d'être là? On était contents d'être là! Merci beaucoup. Ah ouais? Party Fun avec Sam. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Cet été, les meilleurs DJ mixeront tous les soirs sur Fun Radio. It's time to party fun. Et maintenant, Cachemire prend les platines de Party Fun sur Fun Radio. mix dans Party Fun. Party Fun. Sur Fun Radio. Get back. Click, clap, blaster. Tous les soirs, les meilleurs DJs, the best DJs, mix sur Fun Radio. Cashmere en mix. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio.